bonjour et bienvenue pour ce premier apéro original. Les gens qui mangent des chips. On va manger des chips. T'entends ? Il y a une bière sur la table. Non, je tiens à Mananus. Les cons entre potes et de s'enregistrer parce que c'est marrant. Alors ça, c'est très tordu mais bougrement intelligent. Merci, inspecteur Gadget. Allez, viens. On est bien. Oh, là, je suis bien. Je ne bouge plus. Bonjour et vous êtes et bienvenue dans notre 7e enregistrement du l'apéro original épisode 3. Oui, voilà. Ça bafouille déjà. C'est compliqué. J'avais pensé à plein d'intros super cool, mais j'ai complètement oublié parce que j'ai pas écrit. Du coup, j'improvise. Et comme je fais la troisième partie, c'est compliqué. J'ai du mal à d'un coup moi aussi. Alors, si vous avez suivi nos épisodes 7.1 et 7.2, vous savez qui est autour de la table, mais si vous n'avez pas suivi, petite présentation donc avec moi-même, Asto, les deux comparses habituels, à savoir Azertov et Gandalf. Bonjour à vous. Et nos deux invités de la session d'enregistrement, Lulu Ciraptor. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai le droit. Et oui. Salut. Alors, notre podcast est diffusé sur... Pas radio. Pas Radio Kawa. Et sur Pod Radio. Vérifiez la grille des programmes pour savoir les jours et les horaires de diffusion. N'oubliez pas de vous renseigner, de vous inscrire éventuellement sur pour l'événement de rencontre autour du podcast Podren, les 3 et 4, c'est ça ? 3 et 4 juin 2017. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire ? Podren.fr. Renseignez-vous sur podren.fr. Hashtag apéro original, voilà. Meilleur podcast de tous les temps. Au cours de l'émission, vous retrouverez un dossier et un quiz. Mais avant de commencer, notre rubrique Que le monde nous envie. Que le monde nous envie, comme dit Gandalf. Il n'y a que lui qui le dit. Hein. Voilà. Mondialement connu dans le quartier de Castres. Notre rubrique de dégustation de bière, le c'est bien ou blanc. Enfin, pour conclure, je dirais que la règle numéro 1 dans un deal, c'est de ne jamais goûter. On va goûter. Pouah ! Allez, folle ! Oh ! Ah, j'ai faim ! Ah, j'ai chaud ! Ah, j'ai froid ! J'ai soif ! Allez, non, on va aux filles, les gars ! Alors, est-ce qu'on va aux filles ? Alors, on va toujours pas aux filles. Non. Mais, par contre, on va goûter des bières. Ah ! Et ouais. On va commencer avec... Azertov, parce qu'il regarde pas par là. Voilà. Du coup, tu t'es fait eu. Alors, moi, c'est une ale de Hardy. Qui est produit du Québec. Cabac. On se tait de Calibou. C'est ça, qui est à Bidou. Carlis. J'ai pas vu, mais il y a les suggestions de d'alimentation, donc de corps mais ouais. Donc c'est avec des piments, du gâteau, du chocolat, du fromage et des quiches. Ouais, je pense. Des quiches. Des wish. Oh, je sais pas putain si c'est, je sais pas si c'est Lorraine. Donc c'est, on va dire des wish. Qu'est-ce qu'il vient à faire là, Lorraine? Je sais pas. On la salue. Bacal, salut. Donc on va ouvrir ça, elle est à 10,5. Oh, monsieur est joueur. Toi aussi t'as fait crescendo. Non, je suis un petit peu descendu. Ouais. Et je donne à... à Madame Fifi Brandassier. C'est un code name entre nous. Oui, parce que du coup il a des tresses maintenant. Je suis pas roux. Elles sont très très réussies, si je puis me permettre. Je sais pas qui les a fait, comme Alain, cette personne a un don pour la coiffure. Je dirais, je sais comme ça. Je dirais que c'est Jacques Dessage. Franck Provo. Franck Provo, peut-être. Donc, moi, ça va être une blonde artisanale française. Oh ! Qui s'appelle la gorge fraîche. Donc, c'est une potion anti-gorge sèche qui nous transporte instantanément sur la place du village sous l'ombre protectrice des plataniers. Hop là. Et qui est une, du coup une craft beer française. Je l'ai dit déjà. Ah, mais j'ai pas entendu parce que j'écoutais pas. J'ai dit que c'était une artisanale française. Ah, j'ai entendu le bruit du téléphone. Ah bon ? Oui. Mais et voilà. Une jolie petite blonde. Et je vais remettre. Mais ça sera pas sur l'enregistrement. Qui tu veux. Je vais remettre à. Pas à moi. À Gandalf. Moi je suis dernier. Oui, c'est vrai que tu étais l'admin donc. Je suis l'admin donc. Tu es le dernier. Alors moi c'est encore plus exceptionnel parce que c'est même pas moi qui choisis. C'est bien. C'est ma maman. Oh. Je fais bisous à ma maman qui ne m'écoutera probablement jamais. Et si elle m'écoute, c'est directement le bon sauveur à lui. Donc à savoir le bon sauveur, c'est chez les fous. Voilà. Donc c'est. Mais je pense que déjà je peux y prétendre vu ce que je vois au podcast. Que j'apprécie d'ailleurs particulièrement. Et qui nous manque. Qui nous manque, voilà. À jamais dans nos cœurs. Qu'on n'a pas eu d'épisode. Podcast Doki à jamais. Doki Doki Kuru Kuru. Donc c'est une bière, la bière des trois pandas. Et c'est une bière attention bio. Ah, pour une fois. Est-ce que c'est au quinoa comme la bière bio? Non, alors par contre, il y a une espèce de dépôt, on dirait. Ah, c'est la levure. On dirait moi le matin quand je me réveille dans le. Non. Ben quoi, c'est vrai? Ah! Quoi? Quoique. Non, je parle pas du dépôt qu'il y a dans mon. je parle en fait de quelque chose que vient de signaler le jeune homme. Répétez ce que vous avez dit juste avant. La bière au quinoa. À quinoa. Et ben en fait, à conserver debout. Au frais et à l'abri de la lumière, www.altiplano.cc. Et Altiplano, c'est ceux qui font la bière au quinoa. Voilà. Donc en fait, c'est les mêmes. Donc il y a beaucoup de dépôts, voilà. C'est une bière vivante. C'est une bière vivante. Voilà, je l'ai un peu remué, donc ça m'a pété à la gueule. Et maintenant, on y va. Ça a moussé. Ça a putain. Où est-ce que sa mère ? Oui, ça va. Ça monte léger quand même. C'est bien que ça monte légèrement quand même. Ça déborde, mais. Quand ça monte tranquille. Comme dirait l'autre, la France tranquille. La France a baisé. La France a baisé. Elle mousse bien quand même. Mousse, mais moi, je suis branque pour servir. Donc voilà, c'était donc voilà les trois pandas, 33 tranquille, et 6 par contre, 2,5 de volume d'alcool. Et est-ce que c'est interdit aux femmes enceintes et aux voitures? Ce n'est qu'interdit aux femmes enceintes, donc ce soir je peux leur mettre dans ma voiture et rentrer chez moi. Pour rentrer chez moi. Alors le. Bah alors forcément il n'y a pas de décapsulage. Parce que la bière est déjà ouverte. Préparez vos muffins là parce que ça c'est sérieux. Donc la bière est déjà ouverte, donc je passe directement le décapsuleur du destin. Passe le stick. À l'administrateur. Passe le stick. Radio Kawa si vous nous écoutez pas. ALS. Bisous ALS. Bisous tu sais. Donc c'est pour moi du coup? Bah oui parce que. Très il n'y a bien. Pas de décapsulage chez Lulu, forcément. Mais tu suis déjà décapsulé. Voilà. Tu pourrais retenter le coup de shpop. Ouais, tu peux faire un shpop peut-être. Hein. Je peux faire un shpop. Je peux essayer. Vas-y. Dans l'autre sens. Non. Attends. Je le fais. Vas-y. Oh, il est quand même bien fait. Moi, je sais mieux faire la pupille. Non, c'est bon. Que le. On veut pas savoir. Mais le bruit. Tu peux pas parler de mes capacités. Oui, non, on veut pas savoir non plus. Je commence à me toucher les cuisses, c'est pas bon. Ça fait 3 épisodes que tu touches les cuisses. Ah oui, c'est vrai. Pardon, bon bah tant pis. Moi j'ai fait crescendo sur cet enregistrement, donc je finis avec une brewdog comme au 7.1. Ouais, sauf que la brewdog du premier enregistrement était à 4,5, celle-ci est à 9,3. 9,2. Ah, il s'agit de la brewdog Hardcore IPA. Okay, bah. Avec combien de A? Un dans Hardcore et un dans IPA. Ça fait 2. Ah ouais. Panier dans le verru. C'est le verre en japonais. C'est pour nos auditeurs qui décrochent comme nous. Parce que Goku déjà nous écoute en live, parce qu'à ce moment on est en live. Mais pas au moment où vous nous écouterez. Alors là, sauf si vous êtes en live. Ça dépend qui vous écoute en fait. La Brewdog IPA, Flo, c'est... voilà, c'est ça. La After IPA, c'est une explicite Imperial Ale. Explicite. Voilà. Hein. Une bière explicite. Elle est explicite. Hein, comme mais le podcast. Voilà, tu vois, ce podcast voilà, sera sous le signe de l'explicité. Puis je. Non, je ne vais pas me vautrer dans l'explicité, pleinement. Je préfère me retenir. Et donc, Lulu Siraptor, hein, si tu veux te resservir de la bière ou. Non, mais je veux manger les muffins par contre. Ah oui, c'est vrai, parce que pour une fois, on change un peu du sévillon bleu traditionnel. Oui. En fait, c'est vraiment plutôt goûter une bière, on va goûter des muffins. Quoique, il y en a déjà qu'à goûter. Ah, moi, j'ai attaqué, moi. Et ben, du coup, pour nous parler des muffins, je lui ai mangé le chapeau. Alors, c'est une recette totalement classique de muffins, hein, à savoir de la farine, du sucre, un œuf. Et voilà, du beurre aussi, c'est très important. Il y a quoi dedans? Et c'est fourré au Nutella. Ah. Oh. C'est fourré à l'huile de palme. Oui. Pour rajouter un peu de gras au voilà, gras. Voilà. C'est pas du tout vegan, les amis. Ouais, ça tombe bien. On n'est pas véchiant. On n'est pas véchiant. Non, hein, non. Voilà. Non. Voilà. On fait attention à ce qu'on bouffe. Mais il y a des gratos sur la table, donc même. Déjà on a pourri notre bilan carbone. Et bien je vous propose de goûter. On va goûter. Oh, j'ai goûté le muffin déjà. Le muffin. Il est bon. Mais t'as pas atteint le fourrage encore. Ouais. T'as pas fourré ton muffin. Ouais. Oh, t'inquiète pas que non, ça peut aller vite. Hein. T'as pas bouffé le fourrage. Qu'est-ce que tu dis raconte là, oh, là eh. Pour qui tu veux? Pour qui me prenez-vous? Oh. Plus de fourrage pour le rembourrage. Merci. Bah, ils sont bons, moi. Ah bah ouais. Ah bah tant mieux. Puis avec la bière, ça passe bien en plus. Il va falloir que je goûte avec la bière. Mais la tienne va parce que celle-là avait des gâteaux en plus. Tu as triché, monsieur. De quoi? La tienne va avec des gâteaux en plus. Oui. Ma bière a une jolie couleur en vrai. La tienne est très jolie. Dynamite. C'est parti. Et on va donc pouvoir passer à la suite avec. Hop là, que je retrouve le conducteur. Il s'est fermé ce con. Il est bourré le conducteur. Alors pour info, c'est un dossier. Oui, c'est donc le dossier de Gandalf. Mais bien évidemment. Et du coup, bah. Jingle. Ma main a coupé, ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. Trou de balle ou pas trou de balle? Pas trou de balle, encore une fois. Voilà. Merde. Mais il y a beaucoup de déceptions. Je pense qu'un jour, je vais faire un sujet autour du trou de balle. Oh, t'en as déjà fait. J'en referai. Oh, on a vu le dépit dans ton regard. Non, tu sais, j'ai toujours pas goûté ma bière, je vais goûter ma bière. Oh, en fait. Quoique. Je pense que j'avais. Est-ce qu'on ouvre le saké tout de suite ou on attend après? Parce que du coup, il merde. Est planqué. Ah oui. Oui. Bah oui. On va goûter. Alors, oui. J'en profite pour mettre le bandeau de circonstance, bien évidemment. Donc je pense qu'il faudra faire une photo sur Atapéro original. Un saké. Oui, parce qu'au Japon, ils mettent le bandeau comme ça. Un saké classique, donc il faut normalement faire chauffer au bain-marie entre 40 et servir entre 40 et 45 et 55 degrés. Mais nous, on est des cons et on va le faire nature comme ça. On fait toujours la bouteille. Non mais c'est celle-là du coup. Ah mais si tu veux, allez. Et donc c'est une. Attends, alors je dis juste, c'est des Umetsu no Kinoto Yama. Ah c'est vraiment n'importe qui d'ici parce qu'ils remettent une étiquette. Et ils disaient que c'était du châtaigne marron. Ouais. Qu'on a acheté. Ah châtaigne, c'est ça. À la châtaigne, c'est la bouche pleine, hein. Pour ceux qui n'auraient pas entendu. Donc du coup c'est du l'artisanal fait à la main roulé sous les aisselles. non, en plus je me suis dit j'ai dit pardon, une connerie, ça servir chaud entre 40 et 50 degrés. C'est pas les aisselles, c'est les fesses. Ouais, c'est ça. Donc c'est à conserver 5 ans en cave et une fois que c'est ouvert un mois au frigo. Donc va falloir revenir, je suis désolé. Ou finir. On va se finir. Ça fait beaucoup. Non, mais attends, faut le servir entre 40 et 50 degrés? Oui. Faut faire comme faut faire chauffer en bain-marie. C'est ce qu'il a dit le monsieur. Mais en fait, super. C'était tiède, quoi, mais là, c'est vraiment. Ah oui, non, très chaud. En fait, grosso modo, moi, je suis spécialiste du thé, donc en fait, tu perds 10 degrés quand tu changes de récipient, en fait. Ah, le temps de transvaser et de le mettre dans un truc plus froid. Ouais. Donc après, moi, c'est un truc classique de mémoire qui disait artisanal. Tu utilises le mot classique depuis le début et ça me rappelle l'intitulé d'un certain podcast du classique dans le milieu du podcast. Voilà. Donc ça après, saveur végétale, donc châtaigne, soja et noix. Donc j'espère que vous n'êtes pas allergique. Parfait. ne vous battez pas. Du moment qu'il n'y a pas de pollen dedans. Et c'est donc importé par le gros saké. Et donc du coup, Et on va être au taquet. T'es chiant avec tes grandes dames, toi. Goûter. Sur ma chaise. Oh non, ouais, quand même. Donc quoi? Donc apportez vos auges. Tends ton auge. Prends. La picole. Eh oui, c'est ça. Elle picole. Je vais le mettre au micro-ondes. Le verre, je te le déconseille. Ah, ça fouette. T'as pas dit combien de pourcentage? Ah, ça fouette. D'alcool. Merci. C'est quasi. Alors je lis 80. Non, c'est quasi. C'est pas faux. 80%. Ouais. D'ailleurs, tu dois l'avoir le pourcentage, je pense, sur l'étiquette. Hein. C'est 14,9. Ouais, ouais. Oui, ça va. Ah non, mais ça fouette, hein. Vraiment? Bah ouais, ça. Ah, ça pue grave. Hein. La merde. Ouais. Ça pue grave, la merde. Ah non. Ça refoule un peu. C'est sûr que c'est pas le saké. Et puis Gabi, il a une bonne dose. Ah, j'ai pas fait gaffe. Asto, il est. D'avaler ça quand même. Asto, il aura plus soif. C'est un saké. Ah bah ça fouette hein. Tu veux dire que c'est pas le saké que j'ai ramené du J85, c'est ça? Bah ça, moi je trouve que ça sent le saké. Avec un petit. Oui, ça sent le saké. Hein. Mm-hmm. Ce petit côté un peu. J'ai toujours dit bah. Par contre, toi tu m'as vraiment mis un doigt quoi. Bah ouais, mais je crois que j'ai mis à peu près la même chose. Moi j'ai un demi-doigt moi. Alors si t'as mis un doigt, c'est bien la température. Ouais, un demi-doigt c'est bon, ça suffit. Hop, une phalange. Ah. On reste poli, on se met une phalange. Ça fait un bon doigt déjà. Hein. Ah bah, mon petit doigt dans le cul. Non, mais c'est pas pareil. Hein. Non, on dit un doigt dans le petit. Dans le peteux. Vous avez un doigt dans le peteux. Mais c'est le dédicace à Flo parce que. Ah, j'espère qu'il nous écoute. Oh, nous écoute. Quasi tout là-dedans, je vais plus rien reconnaître. Du coup, Kampai. Kampai. Vous faites jamais le bruit des. Skol. Voilà. Non, Skol au fruit. Skol au fruit. Je sais pas si vous aurez dans les yeux. Mais pas un par un, faudrait faire. Ah, mais non, c'est l'issue de ma chute. Ah, il voulait qu'on fasse ça. Ouais, c'est beaucoup plus convivial. Ouais, ouais, comme ça tombe sur le micro. Ah, tu sais, il m'a fait. C'est pas. Allez, Michel, il m'a fait dans deux. Et là, j'arrive à se faire. Dans deux. Y'a mis tes kodasai. Non, c'est pas ça. Mais en fait, ça peut. Tu te fais violer par exemple. Alors, on se fait chier. Acheter des trucs à la châtaigne pour que ça ait pas le goût de châtaigne. Hein. Ça a pas de boule, ça a pas beaucoup de boule. Oh, bon, si, un petit goût au fond. En fait, t'as plus d'odeur que de goût. Ouais, mais ça pue. Oui, bah... Moi, je suis déçu. Choqué et déçu. Je suis déçu. Ah ouais, hashtag choqué et déçu là. Non, mais je sens un petit goût de châtaigne. Ouais. Moi j'ai pas de palais donc du coup. T'as pas de palais, pas de palais. C'est népalais. Voilà, donc du coup tu peux renchaîner sur. Donc alors j'ai mis le bandeau de circonstance, on a sorti le saké de circonstance. Bon, bien évidemment, de quoi je vais vous parler? Du Japon, bien évidemment. Ah. Parce que visiblement, Asto a décidé de ne pas parler trop du Japon. Donc c'est à moi. J'ai fait 14 épisodes à parler du Japon. Je me suis dit, cette fois on va parler jeux vidéo pour changer. Voilà, et comme j'ai pas envie de parler de Nathalie Dormer. Bisous Milou. je vais vous parler de quelqu'un qui me tient beaucoup à cœur, donc c'est Akira Kurosawa. Mais juste avant ça, je vais vous faire une aparté parce que moi je fais toujours des apartés sur tout et n'importe quoi. Je vais vous parler de. J'en avais déjà parlé, je crois, précédemment, de Amelia Earhart. Oh, et qu'est-ce que c'est Amelia Earhart d'après vous? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? De la peinture. Et un peu du moins. Cinéma. Elle fait une petite forme de cinéma. Du porno. Mais bien évidemment. Dans le cas, quand ça vient de moi. Tu nous choques là, franchement. Choqué. Et déçu. Non, pas spécialement. Alors, si vous en parlez dans la partie Akira Kurosawa qui parle du Japon, forcément, c'est qu'elle fait du porno. Japonais. Oui. Mais sauf qu'elle est très... Donc avec des mosaïques. Avec des anguilles dans le cul. Non. Ça, c'est la pas dans le cul. Non, le problème, c'est... Enfin, le problème, c'est pas le problème, en fait. C'est que c'est un peu particulier parce qu'en fait elle est, on dirait un peu une petite anglaise, tu vois. Elle est pas très typée japonais, tu vois. D'accord. Mais elle fait quand même du porno japonais. C'est mon pied. Et la fois où je suis tombé là-dessus, j'ai beaucoup rigolé parce qu'en fait, elle s'est très bien adaptée au cinéma japonais parce que elle fait des bruits de japonaise. Ah. Avec la voix super aiguë. Je sais pas. Ah non, c'est pas ça. Oishi, Yamete. Je sais pas si elle aime bien ou si elle pleure. Oui, c'est ça. Tu sais pas si elle aime ou si elle pleure. T'as pas assez regardé de porno japonais dans ta vie. Jamais, donc. Ah, moi non plus. Ça me perturbe. Ah, ben j'étais très perturbé, moi aussi. J'étais là devant l'écran. Troisième dimension, j'ai. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc, ça qui est très bizarre, donc elle est blanche comme une mère de laitier. Un cul. Ouais, je fais une mère de laitier. Elle est blonde. Du coup, dans la profession, ça passe. Ouais, elle est blonde comme boucle d'or. Et elle fait du porno japonais. Et du coup, c'est bizarre. Avec des tentacules ou pas? Non, avec des messieurs un peu lubriques. Ah. Donc, du porno japonais. Et oui, c'est très bizarre. Et du coup, elle fait des bruits japonaises. Et c'est surtout ça qui m'a fait beaucoup rigoler. Parce que quitte à rigoler, autant rigoler. Pourquoi si... Voilà, ça fait beaucoup rigoler, c'est tout. Ça fait beaucoup rigoler. Vous en montrerez, monsieur. Si vous arrivez à vous fapper là-dessus, bravo. Bravo, monsieur. Non. Surtout au moment où il queen. Parce qu'au moment où il queen, pas encore, je veux bien. Mais après, c'est quand même un peu particulier. Bonjour à la team Juliette, alors... Tout à l'heure, on vous a reconnu. Je sais même pas comment tu as fait pour voir ça. C'est à partir de quel âge, de quelle heure qu'on peut passer de 18 plus? C'est sur l'hashtag qu'ils ont... Non, c'est moi. À 19h, c'est censé être du tout public encore, normalement. Ouais, mais le CSA, il contrôle pas le podcast encore. Donc, vu que c'est du podcast... Encore. 2014. Le podcast, c'est une méthode de diffusion. Du coup, c'est... On dit grâce à la vidéo du podcast, c'est magnifique. C'est comme si tu achetais un roman érotique ou pornographique. Tu vois, tu peux pas parler à l'achat. Bah, c'est à la casse, quoi. Oui, mais là, du coup, vu que t'as pas de caisse, en plus... C'est comme l'alcool. À la caisse. Ah, c'est toi que tu l'as vu, tu peux te rendre compte. Hein. Là, forcément, je me suis rendu compte que c'était un petit peu particulier. Donc, je vais commencer par mon plus bel anglais. Donc, vous savez que ça va être donc une catastrophe. Vas-y. Matt Smith. Non. David Tennant. The term giant is used too often to describe artists. But in the case of Akira Kurosawa, we have one of rare instances. The term fits. D'accord. Oui, donc. C'est pas faux. Donc en gros, on utilise souvent le terme d'un GM, un génie, si vous voulez, pour étendre le terme à bon nombre d'artistes, mais dans le cas d'Akira Kurosawa, on peut dire que le terme est utilisé très à propos. À bon escient, voilà. Très à propos. Okay. Et vous savez qui a dit ça, d'après vous? C'est un réalisateur. Il a fait 2-3 succès. C'est un petit réalisateur. Tezuka. Non. Martin Scorsese. Très bien. Parce que tu avais lu le truc. Pas du tout. Ah, non, pas du tout. Voilà, donc c'est Martin Scorsese. Voilà, qui a dit ça, juste tranquille, entre deux bisous, probablement, comme nous. Donc, voilà. Donc je vais vous faire déjà un petit bio sur Akira Kurosawa. Donc, né en... Le 23 mars 1910 à Omori, quartier de Tokyo, son père militaire, issu d'une longue lignée de samouraïs, va appliquer à sa famille, entre guillemets, des principes d'éducation terriblement spartiates. Donc tu sais que quand ça va chier droit, tu vois. Ça va chier droit. Akira Kurosawa est loin d'être un élève brillant, mais un de ses professeurs saura développer une passion et un talent très précoce chez lui. La pornographie. Et non, non, perdu, c'était la peinture. Ah. Vous allez voir qu'en fait, ça, c'est un motif récurrent dans son comme les balais à chute. attends. Ah oui, voilà. J'ai jamais vu une blague aussi. On peut couper au montage, hein, parce que... Non, c'est le jingle Horta. C'est beaucoup trop loin. Non, le jingle Horta. C'est sûr comme ça. Non, moi j'aime quand ça va loin. Mais t'as jamais écouté. Non, pas de titre. Non, mais bon, on peut faire des titres pendant 3/4 d'heure. Ce qui explique sûrement l'aspect souvent très pictural des films de Kurosawa, qui effectuera lui-même ses storyboards de ses films. Donc, on va s'éloigner. Son père, fervent admirateur de cinéma, va lui faire découvrir cet art, mais son frère Heigo, qui va lui permettre de se forger une immense culture cinématographique. Celui-ci est en effet Benchi, commentateur de films muets. Voilà, c'est une profession comme une autre, hein. Qui a probablement un petit peu disparu, je pense. Il va faire entrer le jeune Akira dans les salles où il travaille. C'est une période de cinéphage de Kurosawa. Forcément, il n'allait pas sur Internet à l'époque. Magie. Qui confessera plus tard, je suis surpris moi-même du nombre de films que j'ai vus à cette époque et qui ont marqué l'histoire du cinéma. Donc on, déjà on peut voir deux motifs dans la vie de Kurosawa. Donc déjà qu'il a commencé par la peinture. Je pense que ceci explique pas mal de choses. Et aussi par le fait que les films qu'il voyait avant, il qualifiait déjà ça de film marquant. Donc déjà, en fait, il avait déjà enrichi son passé de films. Comme, voilà. Comme pas mal d'artistes aujourd'hui. On nous fait croire que pas mal d'artistes sont nés comme ça, par magie. Alors, bof, souvent, ils ont voilà. Et ça, alors en fait, qu'on est le fruit d'une réflexion qui est beaucoup plus longue. À 18 ans, il choisit de ne pas rentrer à l'école des beaux-arts par refus de l'académisme. On se rappelle qu'on est au Japon. C'est l'époque des années d'université libre qu'il passe à lire et au cinéma. En 1929, il s'inscrit à la ligne des artistes prolétaires. Je vous laisse aussi voir l'engagement qu'il y a derrière le bonhomme, qui s'engage dans des actions plus militantes, souvent à la limite de la légalité. Vous voyez déjà que... L'anarchiste. Voilà, Akira Kurosawa, c'est pas le japonais de base, tu vois. Il est pas dans la tradition. Il est pas dans la tradition, ni dans la mode. Plus dans la modernité, mais non, c'est pas. Au bout de 2 ans, son accès de gauchisme prend fin. À voir que le gauchisme est une maladie. Jean-Luc Mélenchon, si tu nous écoutes. Non. Voilà. Akira est un peu convaincu par ses combats. Finalement, il s'est dit que le gauchisme, c'était pas trop ça. Il continue d'étudier la peinture et gagne sa vie en illustrant des romans d'amour et des livres de cuisine, mais ne parvient pas à acquérir cette vision personnelle des choses, indispensable à l'artiste peintre. Je tourne la page. En 1936, il voit une annonce dans la presse. Des studios de cinéma sont à la recherche d'assistants réalisateurs. Après un entretien, il entre au studio photo Chemical Laboratory, où il effectuera ses classes de futur réalisateur auprès de Kajiro Yamamoto, en apprenant sur le terrain le fonctionnement d'un plateau et la manière de gérer des individualités. Vous voyez déjà, ça date un peu. Hein. Alors, Akira Kurosawa se sépare de son maître en 1941, quitte à faire, et propose ses scénarios à des producteurs qui les acceptent, mais ils les font réaliser par d'autres. Il se heurte de plus à la censure qui cherche désespérément à déceler ou intérieur tout ce qui, de près ou de loin, a l'air anglo-américain. Ça va vous rappeler les choses. Pour déjouer la censure, il choisit d'adapter un livre paru en 1943, une biographie de Sugato Sanshiro, et pas Segata Sanshiro. C'est pas le même. Et oui. Ouais, ils ont pas le même nom. Mais non. Et, non, et puis Segata. Et puis, quelqu'un aurait dû kicker dans cette assemblée parce que Segata Sanshiro, c'était la mascotte de une célèbre console de Sega qui a pas très bien marché quand même. Ringa. Ah, la Saturn. La Saturn, ouais. Segata Sanshiro, voilà. Et d'ailleurs, c'est inspiré de ça. Champion de judo à la fin du 19e siècle. Ouais, c'est ça. Le sujet semble en effet à même de passer à travers les mailles de la censure. Le judo est une gloire nationale et de plaire au public par son optimisme. Si le film subit quand même des coups, faut pas déconner, c'est un énorme succès au Japon. La Toho, donc c'est la maison de production qui existe encore, je crois, c'est mémoire. Oui, la Toho, ça existe toujours. Voilà. Demande au jeune réalisateur une suite. C'est un début de carrière qui n'était pas prêt de s'arrêter. Parce que vous allez voir qu'il est mort. Akira Kurosawa enchaîne alors les films, soit à l'époque, soit d'époque, donc Segata Senshiro 2, soit dans une veine plus réaliste, un aspect peu connu de sa filmographie. Alors que l'on peut compter quelques chefs-d'œuvre, par exemple Chien enragé ou L'ange ivre, bizarrement je disais chez moi. C'est d'ailleurs L'ange ivre qui débute L'ange ivre qui débute un duo de 17 ans quand même, avec un acteur fétiche. Comme vous voyez que. Comment ça s'appelle, Johnny Depp avec Tim Burton. Voilà, c'est pas des trucs, c'est pas des motifs, modernes. Donc, eh ben, c'est l'acteur Toshiro Mifune qui a fait des putains de films. Bizarrement, c'est que des putains de films souvent avec Akira Kurosawa. C'est très bizarre. Pour se faire connaître du public occidental, vous allez voir là, ces paroles, c'est assez marrant. Il se fait connaître du public occidental par un film magistral sur l'aspect subjectif de la vérité et sur le mensonge. Rashomon qui obtient le Lion d'Or à Venise en 1951, pardon. Récompense tout à fait basique, hein, forcément. Lion d'Or, c'est comme tu l'as comme ça, tu l'as tranquille. Alors que son réalisateur ne savait même pas que son film y était présenté et que les producteurs s'y étaient opposés. Mmh. Voilà. En gros, si tu gagnes un Oscar, tu ne sais pas. Tu vois, c'est. Et encore, tu voulais même pas le gagner, toi. Le gars, il fait non, ton film, non, il ne mérite pas. Et forcément, derrière, c'est, vous allez voir, il y a des trucs très drôles après. Le film enchaîne quelques mois plus tard avec l'Oscar du meilleur film étranger. Tranquille, oui. Les gars, hein. Quitte à s'emmerder. L'Occident découvre non seulement Kurosawa, mais aussi le cinéma japonais. À noter que ce film a fait à l'époque les Japonais ont gueulé. Parce que, oh là là, ce film il est reconnu par les Occidentaux, c'est dégueulasse quand même. Non, vous voyez que. Le... Oula. Tu devrais faire une pièce avec la barbichette en même temps. C'est trop court encore. C'est trop court. Mais non, mais tu fermes. Comment ça, c'est trop court? Non. C'est trop petit. Je veux pas savoir. Non. Explicite. Tu sais, les S, ça existe. Hein. Ce podcast, il va être magnifique. C'est alors l'enchaînement des succès, L'Idiot, Les 7 Samouraïs, légèrement connu parce qu'il y a eu un petit remake derrière les 7 Mercenaires, Le Château de l'Araignée, ouais. Yojimbo qui sera repris par Sergio Leone pour faire une poignée de dollars, pas très connu, Sanjuro et Barberousse et plein d'autres films. Barberousse, la playlist, mais oui, bien évidemment. Tu nous as retweeté tout à l'heure. Oui. On l'aime d'amour véritable, pur et sincère. Toi alors. Oh cet amour viril entre hommes quand même, comment tu. C'est le bandeau, ça me sert. Le réalisateur souhaite alors se tourner vers un cinéma américain, mais tous ses projets échouent et l'échec de. d'Odès Daken, son premier film en couleur, en 1970, tout de même, premier film en couleur, vous voyez que. Entraîne le réalisateur dans une profonde dépression qui l'amènera jusqu'à, d'après vous. Le suicide. Mais t'es pas loin, bien évidemment, une tentative de suicide. Après ce que le réalisateur appelle lui-même un incident de parcours. Son suicide ou La tentative, ouais, voilà. Très japonais dans le terme, l'explication. Hein. Il se montrera beaucoup moins prolifique dans cette production. C'est seulement en 1975 qu'il réalise son film suivant, Dersu ou Ozala, tourné à URSS, qui est très bien aussi d'ailleurs. Il renoue alors avec le succès et avec un nouvel Oscar à la clé. Donc à faire, faut se taper deux Oscars. S'enchaîne alors une nouvelle série de succès avec des films en costume, Kagemusha, je pense que ça vous pouvez peut-être le connaître, Ran, et des films plus contemporains comme Rêve, Rhapsody en août avec, fait assez rare, un film japonais avec un acteur occidental dedans qui est Richard Gere. Richard Gere. Et son dernier film qui est Mada Dayo. Akira Kurosawa s'éteint à 88 ans tout de même le 6 septembre 1998 et après avoir vu la Coupe du Monde de foot, il est mort. Alors j'aurais fait un document, j'ai mis des liens dedans, vous aurez vu aussi que alors c'est une chaîne YouTube qui est spécialisée en cinéma qui a mis la décomposition du mouvement d'après Akira Kurosawa. Parce que Akira Kurosawa, on lira tout ce qu'on voudra sur son cinéma, il était surtout passionné de mouvement. Il aimait bien les mouvements de foule, c'est très... voilà. Pour ceux qui auront vu le film, je vais en parler, là, Yojimbo, par exemple, voilà, je vous fais le synopsis de Yojimbo. Japon, 19e siècle, un samouraï errant fait étape dans une ville terrorisée par deux clans rivaux. En se ralliant successivement pardon, à l'un et à l'autre, il va précipiter leur chute et sauver les villageois de leur joue. En gros, si vous voulez, je crois que c'est un producteur de saké et j'ai plus le nom. En fait, qui se battent pour avoir les rênes de la ville. En fait, on sera de tous en train de se du vin, de la bière. Non. C'est magnifique. Il fait super bien bruit, hein. Ah non, c'est ouf. Je sais, de faire aussi le bruitage de Pupi, mais faut que je sois proche du micro. Bien. Non, mais le bruitage de Pupi, je le fais très bien aussi. Oui, mais on veut pas savoir. Ah ouais, mais c'était la bouteille en face. Hein? Non, parce qu'il en a bien. J'ai pris un verre. Ah. Un grand verre. Un verre de taille verdâtre. Comme ça. C'est un truc qui est jaune. Ça ne veut rien dire. Un verre de taille d'une couleur. Ta gueule. Enchaîne. Tu comprends le montage. Non. J'étais en train de chercher où j'en étais. C'est pas bon ça. Alors, je serre un peu le. Je serre le nez. Je dis que je serre le nez. Donc le film Yojimbo. Donc il a inspiré pour une poignée de dollars. Donc pareil, chef-d'œuvre du cinéma américain. Alors c'est un film pareil très intéressant. Alors bizarrement dans ces trois films il y a Toshiro Mifune, bizarrement aussi c'est très étrange. Et c'est un film alors que je pourrais qualifier de ouais ça fait très western finalement. C'est assez bizarre du coup, c'est un film très japonais, c'est un film médiéval, c'est un film de costume ils appellent ça même. Et il y a un humour aussi très présent. C'est que tout le monde a beau se faire flinguer dans ces films. C'est un peu comme les films avec Terrence Hill. Oui, c'est un peu ça, c'est ça. Ouais, il y a un certain décalage entre la situation qui est quand même assez dramatique. Parce que Trinita, c'est ça. Trinita. Oui, un peu ce côté. Trinita et l'autre, c'est. Je sais plus, il y en a. Je m'appelle personne, non ? Ou je m'appelle personne. Ouais, je m'appelle personne, ouais. Je vois. Bon, c'est pas jusqu'à l'absurde poussé, je sais pas, parce que il y a un certain côté d'absurde. Parce qu'une fois, ça se joue sur le duo aussi, souvent. Là, c'est un personnage qui est tout seul. Il y a quand même pas mal d'humour. Après, on passe sur un film qui est beaucoup plus ce qu'on appellerait aujourd'hui peut-être un thriller ou je sais pas. Un thriller. Et voilà. Donc ça s'appelle Chien enragé. 1949. Donc, non, c'est la fatigue qui arrive. C'est ça. Donc là, par contre, on est sur un film qui date hein, parce que le Yojimbo c'était un tooscope, donc c'était ce qu'on appelle le cinémascope maintenant. C'est ça prend tout l'écran du cinéma. Donc, c'était filmé de dingue. Là, on passe sur un film en 4 tiers, parce qu'on revient en arrière. Du coup, c'était Chien enragé, 1949, dans un Tokyo écrasé par une vague de chaleur. Murakami, jeune inspecteur de police, se fait subtiliser son arme de service. Désespéré à l'idée que le voleur puisse en faire usage, il envisage d'abord de démissionner. Mais chargé par sa hiérarchie de mener enquête avec son supérieur, le commissaire Sato, il découvre rapidement que l'arme en question est impliquée dans un vol. Les deux hommes entament alors une traque qui les entraînera dans les quartiers moites et miséreux d'une ville encore marquée par les stigmates de la défaite. Alors ce film, alors c'est pareil, il est assez intéressant parce qu'il montre aussi deux facettes de Kurosawa. Parce que pour ce film-là, c'est tiré d'un roman et tiré d'un roman de Akira Kurosawa. C'était très drôle parce qu'il a une tête d'asiatique. Mais c'est raciste. Mais enfin. Arrêtez. Motoriseur de film. Pardon. Quoi? Et ouais, elle est flou comme ça. T'as dû avoir la levure au fond de la bouteille. Hein. Ouais. Tape dans le fond, je suis pas ta bière. Ah bah... Merde, je suis pas. Appuie sur ta mousse. Attends. Bah de mousse. Je sais où. Là. Et ta mousse. Voilà. Je la refais. Tape dans le fond, je suis pas ta bière. Je sais pas s'il est passé, mais si. Bon. Façon, les bouteilles, c'est comme les filles, hein. Tu les lâches pas tant que t'en as pas vu le cul. Oh voilà. Les féministes, on tape à la barre bientôt, on est pas bien. Mais ça va taper à votre gueule, ouais. Putain. Et on l'aura bien mérité, ah, j'avoue. Ah, il y aurait une intervention. Enfin une intervention. Utile. Attends, on a quand même fait les mieux films, merde. Ok, bon, allez, salut, moi je vais me faire des solitaristes de ce podcast. Ah non, ouais, oh, c'est moi qui le fais d'habitude, ça. Mon dieu. C'est con, il y a une porte à côté, quoi. Oui, c'est vrai que les aime. J'ai bougé. Donc voilà, donc c'est tiré d'un roman de Kurosawa, je rattrape les wagons. Et surtout, on sent que le commissaire Sato est inspiré des écrits de Georges Simeno. Oula, t'en as plein la barbe. La moustache. Ah oui, pardon. De Georges Simeno, qui est l'écrivain qui est à l'origine de. Comment ça s'appelle ? Commissaire Maigret. Commissaire Maigret ? Voilà, Maigret. Inspecteur Maigret. Voilà, et donc je prends un petit peu de gratin de canard quand je dis ça. Pour fêter ça. Pour fêter ça. Carniste ! Oui. Oui. VG. J'approuve ce message. Je reprends un peu de saké aussi. Avec le canard, je pense que ça ira bien. J'ai fini mon saké. C'est vrai ? Ouais. Mais j'avais double dose, mais ça va. Bah oui. Je l'ai bien descendu déjà. Ouais. Il passe bien. Mais moi, j'étais chez. Mais il est peut-être meilleur chaud, je pense. Certains aiment chaud. C'est ça ? Non ? Je sais pas. C'est la bière, c'est genre encore. Faut être culturé quand même, merde. Encore ? Encore. On l'a mis 6 fois cette année. Ok, c'est moi je suis pas coupé, hein, donc chute. Couper, on va couper. Non. Je sais pas combien on en est, mais j'ai l'impression qu'il y a eu plus de digressions que de dossiers. Il y a 40 minutes. Oh, c'est bon, c'est bon. J'en reviens donc à mon film Chien enragé. Il est aussi très intéressant parce qu'il montre le Japon d'après-guerre. C'est aussi qui est pas mal. Et d'ailleurs, il y a une scène assez importante du film où le commissaire va enquêter dans les quartiers un peu obscurs de Tokyo. Les quartiers chauds. Les quartiers chauds, ouais. Vous savez, il y a les prostituées en plus. Le Kantopo. Et le Kantopo de Tokyo. Je pense que personne ne trouve la même chose. Et du coup, il se déguise en. Pour passer pour un clochard, il se déguise, et c'est très symbolique, en ancien soldat. Et lui-même est, d'ailleurs, est un ancien soldat. Et le parallèle du film, en fait, c'est qu'il découvre qu'à la fin, celui qui a volé son arme était lui aussi ancien soldat. Donc en fait, tout le parallèle du film, en fait, c'est le fait de se rejouer sur la dualité, en fait, que avec peu d'éléments finalement de différence, on peut arriver à un destin totalement, totalement différent. Quoi. Que deux anciens soldats ont pu passer du côté, on peut dire du côté clair et du côté obscur de la force. Vous voyez. Et après, l'un des derniers films. Alors, autant Yojimbo, ça va, vous le parferez facilement. Chien enragé, bon. Faut quand même aimer se taper des vieux films, parce que 1949, autant vous dire que faut pas aimer l'image qui saute, elle sonne un peu pourrie. Mais c'est pas grave. Autant Le Château de l'Araignée, quand même un peu plus chaud, parce que faut un peu réfléchir là. Dans Le Château de l'Araignée, vous allez voir, ça va peut-être rappeler certains, à ceux qui sont très culturés. Alors qu'ils traversent une forêt, après une bataille, le généraux Washizu et Miki rencontrent un esprit. Tout à fait normal au Japon. Celui-ci... Tous les coins de rue, t'as des esprits au Japon. Je vais te dire, c'est normal au Japon. Mais c'est raciste. C'est pour ça que t'as rigolé. Oui. Celui-ci prédit que, tranquillou... Moralement, directement. Non. Putain, mais il y a trop de digressions. Arrêtez, on va pas y arriver. Celui-ci prédit que... Nation. Oh putain, fait chier. Celui prédit que... T'es perspicace. Ah non. Et marcherait pas. Putain, là je vois des japonais qui rigolent sur faisant du signe à moi. Je suis vraiment moi. Putain, c'est trop. La vie est trop difficile. La drogue, c'est mal. La drogue, c'est mal. Mais regarde. Barrieux. Elle parle là, ils ont même mis les trucs en anglais. Les sous-titres. Les sous-titres, ouais. celui-ci prédit que Washizu deviendra seigneur du château de l'araignée, tranquillou. Mais que ce sera les descendants de Miki qui lui succéderont. Autant te dire que ça le... mise dans la confidence, la femme de Washizu, bien évidemment, on est dans un drame qui rappellera quelque chose, va influencer son mari pour que la prophétie se réalise seulement à l'avantage de celui-ci, dis donc, c'est bizarre. Alors, si on nonobstant le côté que la femme avant était un peu vilaine. C'est quoi le premier mot? Nonobstant. D'accord. Si on enlève le fait qu'avant on disait la femme, les femmes sont un peu. Est-ce que ça vous rappelle pas un petit peu quelque chose? Mais il faut quand même être un petit peu culturé. De quoi? Tu peux répéter? Pas du tout. Si vous êtes un petit peu culturé. C'est moi, c'est que. C'est-à-dire qu'il faut avoir vu des pièces de théâtre et surtout un livre en particulier. Harry Potter. Non. Ça. C'était quoi l'histoire du coup? En fait, si tu veux, le point à retenir de l'histoire, c'est qu'il y a quelqu'un qui prédit que à deux personnes le même un destin assez similaire, enfin un destin qui se croise. Il y a la femme d'un des deux prédestinés, on va dire, qui lui dit, bah, écoute, tu vas te bouger le cul pour essayer de bouger le destin. Hein. C'est-à-dire que le destin, il se réalise que dans ton sens. Hein. Moi, je reste pas sûr. Hein. Et donc, en fait, c'est inspiré d'un petit artiste anglais. Shakespeare. Voilà, Macbeth. Lady Macbeth. Il faut avoir vu. On le recommande, parce que sinon... Ou lui, voilà. Parce que ça fait partie des œuvres un petit peu... voilà. C'est-à-dire que Shakespeare, à l'époque, il a... Il en prenait de la bonne. Il tâtait du game. Ouais, voilà, il tâtait du game, voilà. Ah, le théâtre game. Ouais. Lui, à l'époque, il a niqué le théâtre game. Il était number one, hein. Ouais. Alors là, t'as les mecs qui sont un petit peu... voilà. Et là, t'as machin, et puis là... C'est très bien quand l'audio, ça, de faire des gestes... Des échelles. Des échelles à l'audio. Dans le château de l'araignée, voilà, faut se le parler par contre parce que c'est un peu particulier. En fait, si vous voulez, c'est très inspiré du théâtre no. Ensuite, c'est des scènes très à plat où les acteurs sont filmés presque. C'est même très particulier, c'est très théâtral, voilà, c'est très filmé, un plat. Ils sont tous sur. Oui, c'est ça. 2D. 2D, voilà. C'est ça, ouais. Alors qu'il y a des scènes très cinéma parce que c'est du Kurosawa, ouais, donc j'ai dit des scènes où des chevaux qui courent dans tous les sens, des gars qui courent dans tous, il y en a partout. Dans le film. Mais il y a des scènes aussi très à plat, dans les scènes de. Des scènes où il y a quelqu'un qui meurt, c'est pareil. Et puis, Abus Kurosawa se reconnaît bien à ce cinéma très théâtral, parce qu'il aime bien les exagérations. C'est-à-dire que quand dans les films de Kurosawa il pleut, c'est le déluge. C'est pas le petit crachin, quoi. À un moment, il y a un film dans Kurosawa où un autre tue. Enfin, un samouraï tue quelqu'un d'autre. Il y a du sang partout. Et ça partout. C'est tu te dis même dans les films modernes il y a pourtant de ça, tu vois. Mais parce qu'il aime ce côté très théâtral, très très exagéré. Et donc voilà, c'est surtout là, c'est si on veut voir le cinéma de Kurosawa, c'est à ça qu'il faut le voir. Parce que Kurosawa, pourquoi d'après vous faut le voir? Bon, c'est juste quelqu'un qui a juste inspiré un certain Lucas. à peu près. Georges de son oui, prénom. Oui, voilà, Georges de son prénom pour avec le château, avec la forteresse cachée pour faire Star Wars épisode. Mais Star Wars épisode 4. Oui. Bon, à mon avis, il a dû. Il a dû piquer un peu dans ta poche. Prendre des références. À... Mais on va dire que des récits où une princesse à l'époque est mise en avant, et pas des masses quoi. Un petit peu. Tu sais, à l'époque, on faisait des westerns avec les bonhommes, allez, ça c'est bien. Tu sais, la femme qui fait le sale boulot. Tu sais, à l'époque, ils aimaient bien ça, tu vois. Et ce cinéma un peu. Mais on va dire que voilà, ça vient un peu de là. Puis bon, quand tu vois que des gens comme Scorsese disent des trucs dithyrambiques sur lui, bon, on va dire que c'est pas des branques déjà de base. C'est-à-dire qu'on peut s'intéresser à son cinéma. Et après, pour ceux qui sont vraiment. Alors, pour les personnes qui aiment le cinéma, le vrai, pas si t'aimes. Marvel. Ouais. Non, pardon. Si t'aimes Marvel encore, si t'adores Marvel, c'est comme ça, un petit problème. Et si tu commences à dénigrer les films de DC comme les films les plus pourris de tous les temps, tu peux cliquer sur la croix en haut du podcast là et partir. Ça ira mieux. Donc, si tu aimes le cinéma et que tu veux t'intéresser au cinéma japonais, je pense que j'y reviendrai une autre fois, je peux te citer trois réalisateurs. Donc, en 1962, par exemple, j'ai Masaki Kobayashi qui réalise Arakiri. Pareil, c'est une œuvre fondatrice du cinéma japonais. À l'époque, ça fait le polémique, hein, parce que oui. Nous sommes partout. C'est ouais, toujours dans ces œuvres-là où c'est un peu exagéré. Oui, c'est très exagéré. Je l'ai pas vu, mais ce qui paraît, ouais, je dois le voir. Après, juste derrière, un peu avant quand même, tu me diras. En 1953, tu as Osujiro Uryuzo qui avait sorti Voyage à Tokyo. Bon, c'est pareil, c'est une œuvre de ce qu'on appelle de rupture. C'était un cinéma c'est qui montrait un peu c'est un peu le cinéma de la vieille école qui essayait d'illustrer la jeunesse tokyoïte. C'est assez intéressant à voir aussi. Et pour ceux qui aiment les films plus récents quand même, parce que si vous en avez marre des films un peu qui datent de Mathusalem, vous avez Naomi Kawase, peut-être pour ceux qui connaissent peut-être, dans la salle, ouais. Personne, qui a réalisé l'année dernière, en 2015 je crois, Les délices de Tokyo. Ah. Voilà. Je connais les délices de Tokyo. Voilà. Où vous avez la nouvelle vague japonaise, comme on dit, parce que j'aime bien ce terme, nouvelle vague, c'est joli, c'est rigolo. C'est Hirokazu Koreeda qui a réalisé Notre petite sœur, ce qui paraît très bien. Pas vu non plus. Ok, sympa. Et là, je vais vous parler de. Je vais sortir un petit extrait d'un mémoire. Pour dire un mémoire, donc pour dire qu'il a, il y a pas mal de pages sur Akira Kurosawa et qui disait le Kurosawa. Le Kurosawa dont tu te souviens, ce n'est pas le réalisateur distinct et cynique de d'Escaden. Ce n'est pas non plus l'homme qui a tenté de se suicider. C'est le sensei, l'empereur du cinéma japonais. Celui qui a fait découvrir au monde entier, ainsi qu'aux japonais eux-mêmes, toute la richesse d'une culture. Il est le cinéaste de la diversité des tons, des personnages, des genres cinématographiques. Il fait partie de cette catégorie de cinéastes à avoir réussi l'exploit de faire cohabiter action et réflexion. Et si ces films ne sont pour la plupart faciles d'accès, il ne faut pas oublier qu'ils nous renvoient l'image d'un être profondément sensible, pardon, un être moral, lucide et idéaliste tout à la fois. Et je noterai aussi que le cinéma de Kurosawa peut être dicté par une seule et unique chose aussi, qui est un peu sous-jacent, c'est comme les vieux artistes de comics comme Jack Kirby ou Moebius par exemple pour la BD. C'est en fait qu'ils sont pas nés avec un média, mais qu'ils en ont porté les sorts. Donc en fait, Kurosawa, il a commencé avec le cinéma quasi muet. Il a commencé avec le muet même, d'ailleurs. Le muet en 4 tiers noir et blanc. Et il a fini avec le film en cinémascope en couleur. Oui, donc du coup, il a participé, il a vu l'évolution. Voilà, il a fait comme Jack Kirby. Jack Kirby, ça a été, je fais 45 planches par jour, presque, avant de partir. Non mais je rigole pas, c'était vrai ce qui s'est passé. Jack Kirby a fait des planches avant de partir à la guerre. Parce que l'éditeur a fait ouais, non, mais tu veux t'engager, c'est bien, mais bon, on a quand même des trucs à éditer. Bon, mais je vais te faire des planches. Le gars est revenu de la guerre, Ottawa lui a dit et là, la planche à dessin. Et le gars s'est fait virer de Marvel, de DC, et est revenu chez Marvel à la fin. Donc, on voit que c'est le gars qui a participé à tous les sorts. Et je pense que c'est pour ça que Kurosawa faut le regarder, surtout en plus d'avoir inspiré pas mal de films occidentaux, ce qui est quand même assez balèze, je pense. Parce que bon, des auteurs de cinéma japonais, pour inciter, je pense que j'en passe à un en particulier, mais il fait du cinéma un peu particulier, entre guillemets. C'est un genre bien spécifique, donc à savoir Miyazaki. C'est de l'animé, donc on peut pas qualifier ça de cinéma. Ah, si, c'est du cinéma, mais c'est un genre bien particulier, c'est de l'animation. Quoi. T'as pas les mêmes contraintes que du cinéma traditionnel. Donc, à part Akira Kurosawa, pas du mal. Alors, à noter qu'il y a aussi un livre qui est sorti chez Fnac, qui coûte 70€. On a 6 DVD avec. Ah oui. Il tient qu'à faire. Ah bah oui. Donc un film d'Akira Kurosawa. Et Harakiri aussi, je crois qu'il est dedans. Et voilà, c'est un explicatif pareil sur l'âge d'or du cinéma japonais. Bizarrement, c'est que les films en noir et blanc. Pour la plupart. Parce qu'on va dire que le cinéma moderne, je sais pas qui s'est perdu, mais il a quand même moins de... Il n'y a pas Battle Royale. De... Il n'y a pas... Hein ? Il n'y a pas Battle Royale 2. C'est pas que le cinéma moderne s'est paumé, c'est qu'il a moins de marge de manœuvre, on va dire. Entre l'artistique et le... Et puis surtout, t'as moins de portée. Parce que bon, c'est sûr que quand tu défraîchis, t'es toujours plus révolutionnaire que quand tu marches dans les pas de quelqu'un d'autre. Ce qui est assez logique. Donc voilà, je pense que c'est pour ceux qui aiment vraiment le cinéma, pour de vrai. C'est-à-dire que si tu dis pas que Batman Superman c'est la pire dope de tous les temps, et que Civil War, voilà là, je n'ai jamais vu un film aussi bien en 2016. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même mieux, mais il n'est pas si mauvais que ça. Non, pour moi c'est un bon divertissement. Voilà. Je classe les deux en deux catégories. Là, c'est tu veux un petit peu plus réfléchir quand même. Donc, ouais, même si. Ah, bah, d'ailleurs, dans ce que je disais. Dans le composing movement, dans la décomposition du mouvement par Akira Kurosawa, il fait un distinguo aussi avec Avenger, le premier du nom, pour prouver que il prenait pas le mouvement sur le même truc. Il prend, c'est la scène où comment ça s'appelle? Ils sont dans le je sais pas comment ça s'appelle ces vaisseaux là, le vaisseau du Shield, les aéronefs là. Le transporteur, non. Le gros, ouais, non, le l'avion, bah, le, ouais, voilà. Et que Nick Fury leur raconte. Le Queen Jet, et leur raconte, et ben Loki a tué je sais pas combien de personnes, il balance les cartes, tu sais. Et il faut le distinguo par rapport à ça. Mais c'est assez intéressant, Donc voilà, c'était tout pour ma partie. Je vous retrouverai les liens, je pense, avec l'article, voilà. Oui, de toute façon, le doc sera. Dans le doc de Gandalf. Voilà. Ça sera mis dans l'article. Parce que si vous voulez lire le mémoire, accrochez-vous. Le mémoire est très bien, mais. Les liens de l'article. Voilà. Et c'était tout pour moi. Drop the mic. Ouais. Eh bien, très bien. Arigato gozaimasu. On va pouvoir passer au quiz d'Azertov. Ouais, c'est moi. Salut à tous. Je vous propose aujourd'hui d'apprendre à dessiner un personnage en pied. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Toujours prêt. Faites une forme de saucisson qui coupe au milieu. Voilà, et puis faites pareil des saucissons comme pour les jambes. Et une fois terminé, vous pourrez obtenir ceci. Un personnage sortant des flammes, tel un survivant. Exactement ce que ça fait. Bah ça, hein. Le nombre de... J'aime bien quand ils trouvent des auteurs qui ont la référence, quand même. C'est encore plus drôle. C'est toujours drôle. Et c'est encore plus drôle quand t'as les auteurs qui n'ont pas la référence, fait « Mais comment je vais faire ça ?» Bah, tu fais un bonhomme qui sort des flammes ou tu fais. Je sais pas, mais. Mais c'est quoi une tête de survivant? Non, bah moi, en fait, c'était un truc thématique. Ouais. Donc, par rapport à mon dossier quiz débat que j'ai pas eu le temps de préparer, donc du coup, qui était un débat, sur les adaptations d'œuvres en film. Mm-hmm. Et je vais vous poser des questions de film pour savoir quelle est l'œuvre originale. Ah oui, des fois on va être bien épaté, je pense. Mm-hmm. Ça va? Vous êtes chaud? Chaud patate! Jusque là, on s'y tue. Voilà. En tout cas, je peux dire que dans les gâteaux, le nut est là. Attends, parce que du coup, j'ai changé de. Attention, je vais te parler. Voilà. Et je peux même rajouter. C'est pas le bon de le mettre en boucle. Non, voilà. Maintenant je peux m'endormir. Je voulais l'arrêter, mais du coup il s'est arrêté en boucle. Maintenant que j'ai fait ma blague, je peux m'endormir. Voilà. Façon simple, si je vous dis façon Star Trek. Façon simple. Oh yeah. J'y ai pensé, c'est ça qui est le plus. Façon simple, mais non, façon c'est. Sexe. Mais oui. Façon sexe. Mais oui. C'est Tribal King. Troubal King. Non, ouais. On est trop jeunes, toi. C'est... Faut boire. J'en ai marre. Je vais rentrer chez moi. Si je vous dis Star Trek, donc les films, oui. Ils ont, c'est l'œuvre originale, c'est. Une série. Oui. Bah, c'est ça le quiz. Je vous dis le film. Donc faut dire. Oui, sauf que toi, tu vois à peu près. Non, mais pas ça. Toi, tu triches. Non, mais sans parler de ça. Genre. Tu dis quoi, toi? Tu dis Star Trek et nous on doit dire lui, série. Lui il dit un film, voilà. Et là on doit retrouver la source. Une série, ça, un roman. Est-ce que Your Body is ready? Comme dit Jérémy, Rémi qui s'aimait. Par exemple, Your Body is ready. Si je dis Transformers. Un roman. Un dessin animé. Ah, je sais pas du tout. Ah, c'est un comics. Non, mais c'est un dessin animé. Rien. Alors, des non, même pas. Oui, voilà, une gamme de jouets plutôt. Une gamme de jouets à l'origine, l'origine. Ah, oui, c'est vrai. Oui. Oui, oui. Parce que les dessins animés servaient juste à vendre les jouets. À vendre les jouets, d'accord. Sous quoi c'est transformé? Ça y est, on a compris. C'est bon, vous l'avez? Vous l'avez? On l'a. Si je vous dis. King Guillaume. Oula. Alors pour vous situer, c'est un film avec Pierre-Martin Laval. Ouais, ouais, ouais, je Pierre-François Martin Pef. Laval. Avec Pef, ouais. Avec Pef. Pierre-François Martin Laval, oui. Je dirais un livre. Pour qu'est-ce enfants. C'est... Une pièce de théâtre. Et qu'est-ce qu'il avale? Je sais pas ce qu'il avale. Putain, c'est dramatique. Mais écoute, non, c'est pas ça. Vous, et vous dites? Moi j'ai dit pièce de théâtre. Pièce de théâtre. Lucie a dit livre pour enfants, moi je sais pas qui c'est donc je vais rien dire. King Guillaume, ça me dit rien. Je sais que je. Je vois pas le DVD qui est par là-haut. Si, si, mais je vois pas à quoi ça pourrait être rattaché lui. Alors. Je connais pas du tout. C'est une BD et c'est une BD qui s'appelle je sais plus comment, London. Bah, à l'origine, c'est quand même une BD. Tu en apprends une belle. Bah oui, moi aussi. Moi aussi, je m'en apprends une belle. On en apprend tous une belle. On est bien là. Ah, oui, après. Qu'est-ce qu'il est culturel. Si vous me trouvez les vrais noms d'œuvres originales, comptez pas sur moi, faites des recherches vous-même. Hein, parce que moi, moi, merde. Je vous pose juste la question et vous me dites. Débrouillez-vous. C'est ça. Alors ensuite on va enchaîner si je vous dis ah on en a parlé un petit peu tout à l'heure vite fait Battle Royale. Un roman? C'est un manga? Oui c'est un roman à la base. Je sais pas, du tout ce que c'est. C'est des Chinois sur une île qui doivent s'entretuer pour survivre. Ah non. C'est japonais. C'est des japonais déjà. C'est des bridés. Voilà. Oh, oh. Mais c'est raciste. Mais pourquoi vous êtes que raciste avec les Chinois? Ah non, mais c'est vrai que on peut être raciste avec les Noirs si tu veux. On peut s'arranger. Mais... Ça suffit. Jean-Marie. Donc, du coup. Roman. C'est manga. Roman. Manga. Roman. Oui, non, ne moi se prononce pas. Un jeu vidéo parce que je suis une. Un jeu vidéal. Alors, tu as tort. Non, sans déconner. Putain, je suis bluffée. Alors, de la liste où je tirais mon questionnaire, c'est une adaptation de manga. Mais du coup, j'ai un doute si c'est pas un roman à toute base. C'était pas un light? Un light novel? Un light novel? Ah, peut-être. Hein. Faites vos recherches. En tout cas, Battle Royale, en tout cas, ça a été un manga. En tout cas, c'est un très bon. C'est très participatif ce podcast. Faites vos recherches. C'est ça. Démerdez-vous. Ouais. Je cherche. Allez, on laisse le jeune sur la recherche. Alors ensuite, on va poser la question de. Ah non, ça c'est trop facile. D'où ça vient? Mon cul! Harry Potter. Mon cul! Mais si tu sautes tout ce que t'avais prévu. Non, c'est. Déjà, c'est une soirée dégueulasse. J'ai rien prévu. J'ai juste prévu le thème et les liens. Ah, après, déjà, si tu sautes tout ce que tu avais prévu, c'est pas mal. C'est toujours rarement mené, moi, je crois. Sin City. Oh, mais non, mais je dis rien. Parce que... C'est adapté d'un manga, il n'y a pas de. Ah, il n'y a pas de latin. Ouais. Je me respecte, moi, je dis rien, je laisse les autres réfléchir. Sin City, oh, une BD. Bah non, mais Sin City, ça, c'était pas un jeu vidéo, par contre. Moi, je veux que ce soit tout un jeu vidéo. Non, pas Sim City, Sin City. Et la merci. C'est drôle parce que c'est vrai. J'ai trop picolé pour être dans la blague. First Divis, team premier degré. Ouais. Ah, si tu veux après du jeu vidéo, du jeu vidéo. Du jeu vidéo lol. Mais le dis pas parce que sinon. Non, c'est du. Tu vas nous sortir Warcraft, jeu vidéo. Eh ben non. Eh ben non, c'est une BD. Une BD. Eh ben non. C'est meilleur. Rien, c'est ma bite. Donc du coup, vous avez dit pour Sin City BD. Ouais, peut-être BD, ouais. J'en ai aucune idée. Je sais pas. J'ai jamais vu le film non plus, donc. Comics peut-être. Ah, BD, comics, BD. Moi je vais. Je peux faire le secteur. T'as dit quoi? J'ai dit jeu vidéo. Ah bah. Je veux dire roman graphique. Est-ce que j'allais dire un graphic novel? Pour moi, c'est du graphic novel avant tout. C'est pas du, c'est du comics, mais c'est du graphic novel. Ah d'accord. Parce que je suis sectaire. Hein, tu sais, je suis comme ça. Je suis un. C'est quoi? C'est du comics. FDP. La différence. Entre quoi et quoi? Entre un. Pour moi, la nouvelle graphique, c'est un récit qui est quand même un peu plus tiré. Alors, un comics, logiquement, c'est une BD américaine. Voilà. Et l'autre, c'est un roman graphique. Le novel, c'est un. C'est la même chose, mais pas américain, c'est ça? Bah oui, parce que tu peux avoir un graphique, tu peux avoir un graphic novel français, espagnol, jamaïcain. Ok. Et c'est un peu juste plus, que les dessins, c'est pas un gaufrier ou des cases vraiment bien définies. Un gaufrier, c'est t'as une case. Et puis c'est pas de gaufrier. T'as une plus grosse liberté en plus en termes de parution. J'ai eu peur. Une plus grosse liberté en termes de quoi? Non, non, une plus grosse, t'as commencé. Une plus grosse. Je vais me taper la bite! Sur la table! Pardon. Pas de mitz. Fonce ta pute. Mais dis-toi que t'as plus de chance. Les bronzés s'inspiraient de quoi? De trois, s'inspiraient de la merde. Alors, on va faire un truc. Harry Potter. Non, ouais. Un truc facile. Ça, Batman XXX. Alone in the Dark. Un jeu vidéo. Un jeu vidéo. Le poil du Raptor. Merci, c'était difficile. Ouais. Le jeu vidéo LOL. Pipo, si tu nous écoutes. Il y a des grappins. Il met des vieilles notes à certains jeux alors qu'il met des bonnes notes à des jeux à grappin. Parce que les jeux à grappin, Pipo met 20. C'est dégueulasse. C'est meilleur. C'est dégueulasse. Ah, et pas les trucs à balancier. Vous avez trouvé tout de suite avec le titre. Titre. Ah vite. Non. D'où elle est extraite? Nulle part. Ishati. Manga. No Joe. Un manga. Oui. Alors c'est. C'est quoi à la base? Ishati No Joe. Qu'est-ce que c'est ça? Un manga. C'est un manga. C'est un manga adapté d'un manga. Non mais c'est. Non ça. Mais c'est toujours un film adapté de. L'œuvre originale est un. Ashati. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire Ashati? Ashati. Est-ce que quelqu'un se fait chier? Alors en France, pour vous aiguiller, c'est édité par Saison. Parce qu'ils savent pas s'ils vont vendre tout. C'est une longue série au Japon, mais en France, c'est édité par Saison. En manga. Toi, tu poses des questions de papa, toi. Et Joe, c'est le nom. Ah, mais c'est Jojo Bizarre Adventure. Non. Non, mais non. Oui, Joe, j'avais compris que c'était le nom, mais... Attends, Joe. T'as dit quelque chose, mais... C'est pas un truc, oui. C'est pas un truc de baseball Non, pas de baseball. C'est sportif. Ah, oui. Ah, t'as vu, c'est un quiz dans le quiz, en plus. Du basket? Non. Non, je vois ce que c'est. C'est pas... Alors, c'est pas un truc d'athlétisme... Oui ouais, c'est boxe. J'ai plus le nom. Hippo. Ah, voilà. Hippo. Putain, mais oui. Mais pourquoi c'est pas traduit pareil, du coup, en français? Parce qu'en France, c'est bon. Hippo no Joe ou Joe Hippo? Hippo Joe? Je sais pas. Hippo. Ou t'as Hippo? Oui. Camp. Hippo Camp. No Hippo. Quand il est dans le coin, il campe. Hippo Camp. Je sais plus. Bon. Non, non, il y en a marre. Ça mérite même. Non. Là, je peux mettre le canard si tu veux, mais. Mais où le canard? Ah, alors simple. Barbie et le lac des cygnes. Je joue des LOL. Ah oui, ça ouais dépend. Oui, c'est ça dépend comment tu vois le truc en fait. Mais le jouet était très pertinent. Il était un petit bâtard en fait, il nous posait des questions pièges en plus, il essayait de nous enculer, c'est ça? Mais en quoi c'était un piège? Bah parce qu'on aurait pu dire le lac des cygnes aussi. Oui, mais là c'est bah Barbie. Non, bah, c'est... bah oui, c'est bah, Barbie. Oui. Barbie et le lac des cygnes. Bon bah ça. Close Barbie trop... et le lac des cygnes. Ça c'est trop simple. Ça c'est trop. Ça c'est raciste. Ça dépend si tu t'appelles Jean-Boudin. Ah, alors du coup, je sais pas si t'as peur de la Gestapo. Je découvre en même temps que vous. Ah. Animal Crossing. C'est un jeu sur Nintendo 64. Ouais, c'est un jeu. Mais je crois que c'est un artiste non qui avait fait des. Attends, essais. Mais il y a un film Animal Crossing. Voilà, je découvre en même temps que vous que c'est un film. C'est un jeu vidéo. C'est un jeu. En tout cas, c'est classé dans sur Sens Critique adaptation de jeux vidéo. Bah oui, Animal Crossing New Leaf, Animal Crossing. Oui, ils ont C'est quoi Dream Festival? C'est ça. Amiibo Festival. Amiibo Festival. Amiibo LOL Festival, le jeu de merde. Le jeu que tu achètes comme les figurines. Mais ils ont fait une mise à jour, non? C'est du modif. Non, ils ont fait une mise à jour de la version 3DS pour que tu puisses mettre les cartes Amiibo. Alors, c'est quitte à te faire acheter des trucs, autant te faire acheter des trucs chers. Ça, ça va être compliqué. Aïe, Frankenstein. Aïe, Frankenstein. Bah, tu nous poses des questions, mon coco. Ah, bah oui, il faut bien que ça soit un petit peu difficile. Enfin, de temps, t'aimes, t'aimes casser un peu dur, c'est ça, c'est ça là. Ouais, j'ai envie de dire en roman. Parce que Frankenstein, mais ah, tiens, il y a du AKG. Oui, mais là, c'est Aïe, Frankenstein. Aïe, Frankenstein. C'est comme ça. Comment tu l'écris? Aïe, robot. Je. Ok. Je, virgule, je suis Frankenstein, ou je suis Frankenstein, ou. Mm-hmm. Je, virgule. De la BD, du coup, peut-être. C'est vrai que ce genre de truc, ouais, une nouvelle, aujourd'hui, ouais. Mais. Lulu, du jeu vidéo. Je... Non, là, je pense pas que ce soit un jeu vidéo. Un jeu vidéo, lol. Je sais pas. Rail de pif. Du coup, bande dessinée. Ouais, BD, hein. Ouais. Je l'accepte, c'est du comics. Ouais. Oh, salaud. Moi. Oui, bah non. C'est pareil. C'est pareil. Hein. Moi, je suis secrétaire, c'est pas pareil. un simple, du coup, pour compenser, Sex and the City. Série télé. Le 1 ou le 2? Un jeu vidéo. Bah, comment ça, le 1 ou le 2? Bah, il y a eu deux films, Sex and the City. Bah oui, et du coup, l'œuvre originale, ça reste le même. Mais les deux, c'est ah ouais, mais le 2, en fait, est la continuité du film. Il n'a rien à voir avec la série, l'autre. Oui, mais l'œuvre, c'est quand même une adaptation. Enfin, c'est l'œuvre originale, même si c'est une suite. Et oui, mais le film, je crois, le 2, il continue. Enfin, c'est un peu bizarre. C'est quand même la continuité de la série, c'est bizarre. Vous avez tenté les trucs. Ah, un petit peu plus compliqué. Avec... Mon cul. Serenity, l'ultime rébellion. C'est... Jeu vidéo. Et des fois, tu vis des bas. J'ai vu ma vinaigrette. J'ai vu ma vinaigrette. Là, c'est le japonais en motion. C'est pas japonais. Je sais, mais c'est pas pourquoi. Je vois les trucs qui bougent derrière. C'est bon. Je vois pas. Serenity, j'ai un truc. Serenity. Est-ce qu'un jour, un film pourrait t'inspirer d'un autre film, dans ton quiz? Bah ouais. Tiens, un film... C'est même pas 5%, c'est juste... Je sais pas. Je donne ma langue au chat, puisque jusqu'ici, j'ai... Pas de chat, ici. Donc c'est bon. Miaou. Miaou. Miaou. Après, le chat, je peux te poser une question en rapport avec les chats, hein. C'est possible aussi. Hein. Ah. Une question avec les chats. Ah, c'est les mamoussous. Les mamoussous. Ça vous... Non, vous savez non. Pas si, vous, si je vous dis Nathan... Drake. Ah, le jeu vidéo. Non, ah. Je pensais plus du coup à Nathan Fillion. Ah, série télé. Natation. Natation. Série télé. Série télé. Nathan Fillion, c'est Castle. J'ai pas suivi en fait. C'est toujours pareil. Serenity, toujours même. Firefly! Firefly pour Flo. Si Firefly! Ah, si non, Flo, mais Flo, il vient, non, mais en fait, il vient de m'envoyer un texto en disant Firefly, je suis de quoi tu parles. C'est ça, voilà. Hein. Putain, mais il y a des gens qui nous écoutent pour de vrai. On lui fait un gros bisou. Où il veut. Où il veut. Voilà. Ah, mais où il voudra. J'irai où tu voudras, mon pays sera roi. Putain, Flo, il t'envoie les réponses. Et tu... Oui, Flo, il m'envoie les réponses. Putain, mais où et tout. Non. C'est vrai qu'ils avaient pas fini là, ils avaient pas fini le... Ils ont pas fini la série du coup. Du coup ils avaient fini avec un film. C'est pas putain, j'avais oublié. Je sais pas si je l'ai pas vu. On ça, je m'en souviens, tu vois, que Flo, sa série préférée, c'est Firefly. Putain, mais c'est trop mignon ce que tu dis. Oh, oh loulou. C'est trop choupinou, quoi. C'est genre qui se rappellent des trucs des autres gens, dis donc. Que j'ai toujours pas regardé d'ailleurs. J'ai vu le film au cinéma, mais j'avais pas vu la série, donc du coup. J'ai pas vu non plus Firefly, désolé, Flo. Mais. Désolé, pas désolé. Apparemment, la série est vachement bien quand même. Il paraît. Ouais, qu'une saison, on a regardé un plus ou deux, non? Oui, toute saison, je crois. Alors, du coup, un simple, parce que c'était un petit peu compliqué apparemment. Space Brothers. Un manga. Oui. Je pourrais presque pas te dire le nom de l'auteur, mais je le vois plus. Un manga que même ils ont fait un tome ou un chapitre, je sais plus, avec où il y a Iron Man dedans. Oui. Mais oui, oui, putain, mais tu es très perspicace. Avec Iron Man. Tu es très perspicace. Oui, il m'a inspiré par. Oh, il y en a marre. Ah oui, non, mais faut pas. Il faut pas. Alors, du coup, peut-être un petit peu compliqué. Fatal Fury. Bah, Fatal Fury, mais c'est un jeu. C'est un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo. Alors, Fatal Fury, c'est un jeu qui est extrait lui-même d'un autre jeu vidéo. Qui est extrait de. Non, même pas. C'est... Après, on a... ça a permis de faire Knight of. Non, King of Fighters. C'est un jeu. Et après, il y a eu Final Fight d'abord, je crois. C'est un jeu d'arcade, non ? Oui, c'est un jeu d'arcade chez SNK. C'est possible. SNK Playmore même, je sais pas ce qu'elle vient de te dire. Parce que je suis un petit coquin, moi. Je connais mon histoire du jeu vidéo. Du jeu vidéo ? Rien à foutre. Un jeu vidéo. Ah, des jeux. Mais du jeu idéal, du coup. Le jeu idéal, le jeu idéal. Ouais, est-ce qu'on est d'accord ou pas ? Allez, les Chevaliers du Ciel. Ben oui, voilà. Les Chevaliers du Ciel, c'est une BD. C'est une série télé. C'est une BD. Non ? Un dessin animé. C'est inspiré de Tanguy et la Verdure. Ah, peut-être. Je sais pas. Mais c'est sûr, c'est une série à la base, je crois, non ? Un dessin animé. Un animé. Et Dassou, voilà, Et apparemment, c'est une bande dessinée. Je sais pas si c'est. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Un tweet de Zach Braff avec une photo où il y a marqué Winter Came So Hard. Donc, Kaim, tu vois le jeu de mots ? Kaim. Oui. Et Antoine Daniel qui a répondu So we did. J'avais pas compris pourquoi Antoine Daniel avait répondu à un tweet de Zach Braff. Mais voilà. Ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. On se fait plaisir. Du coup, on va enchaîner. Hop, genre. Je vais piquer. Il part en vadrouille. Est-ce que je fais un truc putassier ou est-ce pas que, est-ce, qu'il y a le film, ouais. Est-ce qu'il y a le film La Chenille qui redémarre ? Non. Inspiré de la même. La musique. La musique. Alors, du coup, Lego Star Wars, la menace Padawan. Oula. Bah, alors, c'est censé être inspiré d'un jeu. Des jouets. Non, c'est inspiré d'une série. Animé, non c'est pas le dessin animé Star Wars. C'est inspiré du Lego Star Wars, la série, qui est lui-même inspiré du, peut-être un peu du jeu, peut-être, jouets, et qui est inspiré lui-même de la gamme Star Wars, qui est lui-même inspiré de la gamme Lego. Jouer plus film. Je vous m'avez perdu là. Wow. Lego Star Wars, oui. La menace Padawan. Lego, c'est un film de la série Lego Star Wars, parce que c'est une série de Star Wars. C'est un film, c'est une licence Lego, mais c'est inspiré de Star Wars. C'est un des deux, quoi. C'est les deux. En tout cas, les deux, Mokabiché. Je l'ai pris de l'adaptation de jouet. C'est Lego. Mais ils doivent trouver aussi, du coup, dans espèce Star Wars. De Philippe. C'est adapté du jouet Lego Star Wars. Il y a tu te respectes pas, pas répéter comme ça. Attends, je sais pas ce que vous cherchez comme ça, mais c'est ça pourtant. Il en avait mal au ventre. On va faire un petit peu comme ça. C'est le Chicky Parade. La parade de Chicky. Ah. La parade de Chicky. C'est vous-même. Hunger Game. C'est un livre inspiré lui-même de Jennifer Lawrence qui fait des photos bizarres et quelqu'un lui a mouché dessus. C'est non, faut pas l'écouter. Non, c'est un livre, un roman. Non, non, mais il y a des photos sur internet où quelqu'un a mouché sur Jennifer Lawrence. Non, on veut pas savoir. On les a vus, c'est bon. Non. Jennifer Lawrence à poil, Jennifer Lawrence en culotte. Naked, Jennifer Lawrence, quelqu'un lui a mouché dessus. C'est pas de la morve. C'est pas de la morve. Ça ressemble, mais... Alice, en bas chez vous. En bas, sur votre écran. Et là, t'es très jaloux. Oh putain. Donc oui, c'est un roman. Oui, c'est un roman. Exactement. Mais chacun ses délires après. Toi, le cinéma, ça rapporte, mais on est des fois des délires très simples. The Green Hornet. C'est une série avec Bruce Lee. Quoi ? C'est une série avec Bruce Lee. Non, The Green Hornet. C'est une série avec Bruce Lee. Bah, c'est un comics ? Non, c'est une série avec Bruce Lee. Point. À l'origine ? Oui. À l'origine ? Je crois, ouais. Le Frelon Vert ? Peut-être c'est un comics, mais alors, je sais que c'est une série avec. Je sais que c'est une série avec. Surtout Bruce Lee. C'est là que ça l'a fait connaître d'ailleurs. Mais ça reste quand même un comics en premier. D'accord, je savais pas. Oh. Dont Kevin Smith a fait une adaptation. Ah, c'est Kevin Smith qui l'avait fait, hein. Ah, d'accord. Qui devait être le film de Gondry, bah, l'histoire du film de Gondry. Oh, d'accord. Qui est sorti en 2011. Ouais. Chaud de ta bière. Et sinon, oui, je l'ai rafraîchi. D'accord. Alors, j'ai des trucs carrément obscurs sur cette page-là, donc vous allez trouver tout de suite, c'est pas drôle. Ah, Termae. Romae. C'est un manga. Je crois que c'est un. Ouais. C'est un manga, Termae. Romae. Eh ? C'est un manga. Oui, je savais même pas que c'était adapté en film. Bah, je connais que le manga en fait. Après, tu sais, tous les mangas sont plus ou moins adaptés. En d'ailleurs, l'adaptation du film est très. Malheureusement, les mangas sont adaptés en visuel. D'ailleurs, à noter que l'adaptation du film est très gênante parce que les Romains sont interprétés par des. Chinois. Japonais. Et il y en a qui gueulaient ouais, le film est fait mal, non, il a l'air bien, tout ça. Non, mais c'est des Européens qui sont joués. C'est des types Européens qui sont joués par des. La version live. Bah oui. C'est comme dans la bande annonce est classe pour l'instant. Le Docteur Strange, c'est que des. Enfin, il n'y a pas d'Asiatique dans le Docteur Strange. Oui, c'est pareil, les gars ils sont tous au Bhoutan, mais ils ont tous des têtes de. C'est et puis Termae Romae, ouais, des Romains. Et puis c'est ça, le pire c'est qu'au début, dans Termae Romae, quand il arrive dans le bain, la première fois, le japonais, les autres ils font un peu. Ah mon dieu, il a les yeux bridés. Et là, il arrive avec des japonais, ils font. Ah mon dieu, il a les yeux bridés. Vous n'êtes pas vu ou quoi? Enfin, il y a un problème. Ah, c'est dans le fermé là où il parle d'ailleurs de l'éphéma. Ouais. J'ai des sources. Alors, c'est pas bruit. La suite, le projet ALF. ALF. ALF, c'est un dessin animé. Est-ce que c'est le truc qui mange les chats? C'est qui mange le chat. Ouais. Oui, voilà. C'est un dessin animé. Tu connais le même les dessins animés. ALF. Mais c'est pas un dessin animé, c'est une série. C'est une série. Ouais. Oula, c'est une marionnette, hein, c'est pas un dessin. Je sais pas, j'ai pas vu. Hein. C'était du temps de mes parents, Alf. Moi non. Ça passait sur France 5. Le film date de 96, franchement. Ça ouais, passe j'avais 6 ans. Télé... Ouais. Thunderbird et Lady Penelope. Ah, c'est pas, c'est pas le client mail. Ou Thunderbird et l'Odyssée du Cosmos. Alors, techniquement, c'est inspiré d'une série, mais je sais pas si c'est une gamme de jeux avant. Et Mozilla, Thunderbird. ça marche pas. Aucun fils unique. Merde. Le Thunderbird, c'est les jouets. De toute façon, c'est. Il y a une grosse gamme de jouets derrière, mais je sais pas si c'est. Je passe d'après moi que c'est la série qui était d'abord. C'est une série de marionnettes animées. Oui, qui passait, je sais plus quand. Le soir. Ouais, c'est ça. Et après, on a eu Capitaine Scarlet. On n'a pas le cité, voilà. Captain Scarlet. Captain Scarlet. Non, ça c'était avant quoi. Les des petits nègres. Agatha Christie. C'est un roman d'Agatha Christie. Et oui. Les petits. Ouais, vous ne le pétez pas, on vous a pas demandé qui l'a fait. Hein. On va dire l'éditeur. On va dire l'éditeur. Soon l'éditeur. Aux éditions, j'ai lu. qui sera me citer l'ISBN 9, 14. Référence éditeur. Jusqu'où s'arrêteront-ils là? Putain, tout est magique. On est con, putain. Qu'est-ce qu'on est con, putain. T'es fatigué? Oui. Non, on s'y peut. Ah, si, on va faire un facile. Le Lupin 3. Ah, ah, Lupin the Third, bah, c'est un manga. C'est inspiré d'un manga qui est lui-même inspiré de Edgar Lac. De fait réel. Oui, non, Edgar qui est inspiré de comment il s'appelle le Arsène Lupin du coup. Arsène Lupin, oui. Voilà, mais comme il n'avait pas les droits, et ben voilà. C'est pour ça d'ailleurs que le film chez nous, c'est pour ça que chez nous ça s'appelle Lupin la Cabriole. Edgar la Cabriole, voilà, pardon. Parce que voilà. En français ils n'avaient pas de droits. Ils ont niqué les droits. Ah. Dragon. Dragons. Dragons. Un dessin animé. Quoi? Quelle est l'origine de Dragons? Moi, je ne vois même pas. Je vois même pas, tu vois. C'est, mais si, c'est le truc en 2D avec le cracheur de feu et. Chasseur de dragons. C'est ça? Une série française ou. Là, c'est Dragons. Ah, c'est le film. Le film de Chip. Et on parle toujours de film. Dream pour moi, c'est un dessin animé. Le film de dessin. Parce que là, t'es chasseur de dragons. Là, t'es chasseur de dragons. Chasseur de dragons, c'est inspiré d'une série française. Et donc, en français, qui s'appelle How to Train a Dragon. Ah oui, mais c'est Dragons. Mais non, mais c'est en anglais qui s'appelle How to Train a Dragon. Oui, Et en français, c'est Dragons. D'accord. Dragon, ah, bah je savais pas. Je pensais que c'était en français, bah, c'est Dragons. Excuse-moi, ouais. Tu prononces pas le L. Je pensais que c'est une original, donc je vois. Dragons. Dragon con. Dragon con. Oh putain, Dragon con. Il n'y a pas de virgule en fait. Dragon con. Tout à non, fait. Putain, c'est la virgule. Ah, c'est la virgule. Bah oui, tu commences pas à dire par une virgule. N'importe c'est virgule. On prend l'aspiration. Virgule, c'est... dragon point. Ça n'a aucun sens. Dragon point. Je vais rajouter le O avant. Ah oui, voilà, parce qu'on a mis le O, donc il faut laisser respirer le récit. Alors du coup... Ah mais c'est espérer quelque chose en plus. Ah ben d'accord. Et ben, moi j'ai un roman. C'est un film. C'est un film, oui, c'est un film. Sur le cyclisme. Sur le cyclisme. Sur le cyclisme. L'éclectisme. L'éclectisme. J'y suis allé, est-ce que tu baises? Est-ce que tu es pour ou non l'éclectisme? Si on fait le voyage... Il est très fort au sport. ça devient dur. Hein. Oui, il faut fouiller la bière quand même. Moi c'est bon, mais... voilà. Sinon je ne savais absolument moi, pas. Moi crescendo... C'est inspiré quelque chose, tu vois. Absolument, non, mais absolument pas. Alors, en disant que Chasseur de Dragons, la série dessin animé française, hein, ouais, inspiré du même truc. Quand tu déconnes. C'est inspiré. Et c'est inspiré du même truc, de la même œuvre, qui est tombée dans le domaine public. Ah, oh putain, oh là là. C'est un roman alors. Et donc du coup, c'est un roman. Ah alors. Hein, bravo, bravo. Ah, voilà, merci. T'auras droit de revenir. Enfoiré, ça doit dater. Qu'est-ce que ça doit. Ah mais c'est. Ah ouais. Oui. Ah tu m'as pris une belle. Ça veut dire 70 ans. Oui. Oui, et minimum. Déjà il y a longtemps, parce que quand Chasseur du Dragon, ça doit être des années 2000, début 2000. Hein. Oui. Oui. Parce que le film était plus vieux. Le film était des années 20, quoi. Oh, et le film a été doublé par Patrick Timsit. Patrick Timsit. Salut, c'est Timsit. Pardon, t'es énervé. C'est trop de. J'ai vu trop Gérard à la télé. Shutter Island. Oula. C'est un roman, je crois. Avec un roman qui avec Leonardo DiCaprio, oui. Mark Ruffalo et Ben c'est Kingsley. Il est dans un hôpital psychiatrique. Non, c'est une psychiatrique. Il est dans un hôpital psychédélique. C'est un hôpital. C'est un petit bouge. Une fois que t'as pris les pilules de toutes les couleurs. Il enquête, c'est ça, dans un hôpital psychiatrique. Psychiatrique. Mais on va pas spoiler à fond. Non. Et un peu dans le même style, en film français, il y a Dédale. Oui! Avec celui qui fait le mérovingien dans Matrix, je sais plus son nom. Ah, avec Mathieu Lambert Wilson. Le mérovingien. Ah, voilà. Le mérovingien. T'es un œil du mal quand même. Hein. Ouais, Lambert Wilson. À la fin. Lambert, le Robert. Didier! Didier, le Robert. Le guitariste du Sullivan. Didier, il est là, il fait tout. Je vais faire ça. C'est jamais appelé Didier, tu sais. Alors, vous allez découvrir que ça a été adapté en film. Bien. Bratz the Movie. Oui, mais attends, James. Bah ouais. Tu ris, mais il y a eu un film, James et les oui, il y a eu un vrai film qui est vraiment sorti. Qui est sorti là il y a pas longtemps ou qui va sortir. Ou dans 2012 en fait. En 2012, parce que là il y en a. Oui, quand je l'ai vu, ah peut-être, j'ai pleuré, j'ai fait ah putain. Bah là en 2007, Bratz the Movie. Donc avec des acteurs pas connus comme Natalia Ramos. Qui a dû retourner dans un anonymat certain. Et Janelle Parrish. Bah elle est pas devenue riche, hein, ça c'est sûr. Hein. Non. Elle est pas riche. Elle est toujours pas riche. Non. Toujours pas. Faudra qu'il y ait une aime après. Corto Maltese. Une BD, ouais. Mais pourquoi. Et pourquoi tu me salis comme ça? C'est pas un personnage dans Machete, tu l'as sorti bien trop rapidement. Un titre. Une fois que tu savais. Hugo Pratt. Voilà, moi j'invite juste dire Hugo Pratt, c'est bon. Je me respecte. Non, mais Hugo Pratt, je le respecte. Il passe du Versailles sur le livre. Versailles. Pourquoi pas? Il passe pas du Black Swan, c'est bizarre. Hein. On comprend pas. Dès les indies. Donc du coup, oui, c'était bien... Une BD. Une BD, parce que du coup, j'ai changé d'onglet et j'ai évidemment. 1980. Un roman d'Orson Welles. 4. Un roman. C'est la peste noire. Une pub. C'est autre chose. Pour Apple. Non, c'est 1984 de Orson Welles. Avec la ferme d'Orson Welles. Faut avoir lu. Ça fait partie des séries qu'il faut avoir lu. Bonjour, je suis Orson. Ça. Et ce film est validé par Chuck Norris. Non, c'est Orson Welles, c'est... 1984. C'est un homonyme d'Orson Welles. Mais c'est Orson Welles. Oui, ou Orson Welles. C'est un Orson Welles. Ouais. Non, parce qu'après, il y a Orson Welles qui a fait... 1984, toujours pareil. Oui, oui non, parce qu'après, il y a Orson Welles qui a fait... comment il s'appelle Citizen Kane. Citizen Kane, voilà, très bien. Et Othello, j'ai parlé tout à l'heure. Rose. Ah. J'ai jamais vu le film, je sais que la vue s'appelle Rosebud. Oui, tu as spoilé la fin du film. Ouais, c'est bon. Monde de merde. Ouais. Bon, le film ne se voit pas que pour ça. The Mist. Ah, c'est un jeu vidéo. Mais non, Mist, c'est des jeux vidéo, Mist. C'est des jeux vidéo, si t'as la même avec la Solus, t'as du mal à le finir. Tu comprends pas la Solus. Ah, j'ai loupé un truc, merde. Mais c'est vrai. Universal. Mais ce qu'elle a dit. Quand est-ce que ça finit? On va bientôt mourir. Bientôt, oh, ça va. Il y a le temps, hein. Oui, il y a le temps. Hein. Moi, j'ai pas pipi. J'ai pas fini de saquer non plus. Ça s'est coupé en montage. Après, c'est moi qui fais fuir les gens qui nous écoutent. Péremptoire, il est revenu. Direct. J'ai dit, ces gens qui rentrent, ils sont sales. J'en avais un. Ça pue en plus. Ah bah. Je sais pas, je vais pas respirer. Vas-y, nie-toi le nez, bois du saké. Sans quelque chose. Ça, ça de la gasoline. Du coup, mais j'en ai encore. La vie d'Adèle. La vie d'Adèle. C'est une BD. Le bleu est une couleur chaude. Oui. Comment je nique vos mères, moi? Par contre, je nique pas Adèle à Boulos, par contre. Ouais. Et ni, comment elle s'appelle, Léa Seydoux, par contre. Léa Seydoux. J'aimerais bien le voir, ce film. La vie d'Adèle. Moi j'aimerais bien avoir Léa Seydoux à la maison. Pas pareil. C'est une autre. C'est une autre possibilité qui n'arrivera probablement jamais. Bon, allez, probablement. On enchaîne assez vite fait. Valérian et les cités. Moi je me désolidarise de ce podcast là. Tu salis la BD franco-belge là. Tu salis Mézières là. T'es un salaud, t'es une salope. Ah, ce que je vous allais dire. Tu salis la BD. Donc vous l'aurez compris, c'est une BD. BD. Franco-belge, écrite par Mézières et scénarisée par. C'est Valérian et. Valérian et Laureline. A noter que la série animée s'appelait aussi Valérian. Oui. Mais oui, quoi, je vous manque de respect. Valérian, alors que c'est Valérian et Laureline. Oui. Bah, techniquement, en fait, ça pourrait s'appeler que Valérian parce qu'en fait, dans le premier tome, en fait, c'est là qu'il rencontre Laureline parce qu'il va dans le temps. En la ramenant, il bousille l'espace-temps, je crois, et il se retrouve en fait loin de la Terre. En fait, avec le but, c'est de retrouver la Terre. En fait. Je pensais que c'était un roman. Non. Ils en ont parlé 10 000 fois. Parce que moi, monsieur Lidéric, j'ai une dédicace de Mézières. Moi, monsieur. Putain, comment il s'appelle le mec. Eh ouais. Parce que Mézières, c'est un papa. Eh ouais. Si. Arg. Alors là, Nick Fury. Alors Nick, je connais pas ce film. Fury. Ah, petit indice avec David Hasselhoff, bien sûr. Oh putain. Oui, alors ben c'est tiré de. Alors. Non, ça vient pas de là. Techniquement, alors j'espère reprendre notre truc dans le bon ordre. Alors c'est pas. Alors le problème c'est que Nick Fury n'est pas tiré, je crois, d'une BD Marvel normalement à la base, parce que c'est Sergent Fury. Il me semble que c'est une histoire comme ça, mais à toute base. C'est tiré de romans, enfin de comics sur la Seconde Guerre mondiale, techniquement, je crois. Mais avant que. Quand ça s'appelait encore Atlas. Oui, et c'est Jack Kirby, je crois, qui faisait ça. Je suis sûr à 200%. Sauf que là, c'est bien le Nick Fury de Marvel. Voilà. Donc du coup, c'est bien. Sergent Fury, Jack Kirby. Bisous. Un truc simple pour que. Le Lucien Raptor. Merci. Et bon, que si je commence à m'énerver devant la BD franco-belge, on va pas y arriver. Ah si, ah non, maintenant. Dire jeu vidéo. Bah, alors tu vas pas trouver parce qu'il va le trouver avant. Non, mais je dirais rien, allez, vas-y. Merci, c'est trop simple. Mais non, mais c'est parce que du coup, je savais pas que. Si c'est un manque de respect, je te tente. C'était ça. J'irai dormir à Hollywood. Mais non, mais arrête, tu manques de respect là. Mais quoi? Tu manques du respect à Cubertoy là. Quoi, Sophie? C'est j'irai dormir à c'est j'irai dormir chez vous. Antoine de Maximi, c'est 2009 le film, non? Ah bon. Antoine de Maximi. 2009 le film. Ah bon. 2008. C'est pas Antoine de Maximi ça. Ah bah 2007. Oh, c'est mignon. J'irai 2007 parce que c'était trop HD. Du coup, c'est après. À 2008. Oui. Ah bah parce que j'avais dit en fait. Hein, donc c'est bien une adaptation d'une série. Enfin, mais du coup c'est plus série un documentaire. Ouais. Qui était sur, qui est encore, je crois, sur France 5. Bah il y a une saison cette année. Des épisodes, hein. Ça fait 10 ans tous les temps, je crois, pas même un peu plus déjà. Ah, peut-être 15. Bon, allez, un truc vraiment, vraiment pas facile. Ah merde. Power Ranger. Bon, c'est terrible. Un Sentai japonais, oui, voilà. Bah. Un Sentai belge. C'est un remontage d'un Sentai. Qui était à l'origine. Alors, l'origine, je sais plus comment ça s'appelle. Si tu peux venir le nom. Mais... Je sais pas, mais ça va être du. Non, non c'est autre chose, je crois. C'est notre je crois. Quoique. Peut-être pas Kamen Rider, parce que c'est des trucs non. Un petit peu frelons ou insectes. Ouais. Mais c'est un Sentai, je sais plus quoi. Oui. C'est un manque de respect. On en fait encore deux. Hein. Allez. Oh, on avait 8 heures, c'est bon. On est bon. On est dans les temps. On est dans l'état. Après, on va pouvoir faire un tour à. Marché de Noël. Ah, pour aller vomir, le marché de Noël. Donc là, ça va faire plaisir à Zira and Cornelius sur Twitter. Ah. Et ça va être. La planète des singes. Exactement. Je laisse les autres réfléchir hein, parce que moi je. C'est un roman à la base, non? Oui, c'est un roman aussi. Ouais. Est-ce que je peux préciser l'origine? Vas-y. Roman français. Oui. De 1000. Il est pas de 56? Je sais pas après la date. Pas la date. Je crois qu'il est de par là. C'est un film avec Charlton Heston, non? Oui. Bah, ça dépend et lequel. C'est le premier en fait. Oui. Bah, le premier. C'était. Ah oui, c'est Charlton Heston. Oui, c'est Charlton Heston dans le premier. Oui. Il y en a un avec Tim Burton. Oui, c'est celui c'est... où donc. Mais c'est pas la fin est difficile à le premier, c'est. Le premier, c'est pas début, c'est 60. Non, Stanley Kubrick. Mais c'est avec Charlton Heston. Le tout premier, je crois, c'est 60. 8 ou un truc du genre. Oui, le film va vachement embrayer directement. 72, où il a été commencé en 60 et quelques. Et, ouais. Donc, du coup, écoutez le podcast Cornelius et Nzira. Ouais. Très très bien sur les effets spéciaux et sur les films. Les films. Alors là, je vais vous poser une question piège. Kiki, la petite sorcière. C'est adapté de rien. C'est adapté du scénario de Miyazaki. C'est adapté d'un manga de Miyazaki, non? Il a fait 2-3 mangas, il n'a pas fait des masses. Hein. Alors, Kiki Delivery Service. D'après la. La page Wikipédia. La page. Bah, le poster, en fait, ouais. L'affiche. C'est un film live. Un film live ? Oui, donc c'est pas d'accord. Le dessin animé. Ah, bah adapté du dessin animé alors. Alors, le dessin animé, c'est adapté du. Je pensais que c'était un manga dans la base de. Là, tu vois, comme quoi. Non, ils ont quand même pas fait un film à partir. Ils ont quand même pas fait le dessin animé à partir du film. Non. Ah mais c'est possible, c'est chez les japonais. Non, non. C'est à partir du film de Miyazaki. Ils sont forts ces japonais. Alors je sais pas. En tout cas, sur Sens Critique, il est dans la liste des adaptations de romans. Donc il y a peut-être une histoire à l'origine. Et, ben, on va chercher. Et est-ce que la suite de Kiki c'est ZZ? Je sais pas. Pardon. Alors du coup, le retour. Gros Kiki. La revanche. Je vais vous poser deux films en un. Oh combo. Version française, le titre, ou version québécoise d'origine. Allez, version d'origine, allez, parce qu'on est des, on est des purs. Hit. Ah ça. Donc Kiki la petite sorcière, c'est une même le film d'animation de Miyazaki, c'est une adaptation. Oh. Du livre japonais pour enfants d'Eiko Kanodo. Voilà. Kanodo. C'est Kanta. Il est bien dans la bonne liste des romans. C'est du livre pour enfants à la base. Il est bien, c'est ce bonhomme qui fait des recherches. Et donc, du coup. Je suis rapide. Hit. Ah bah, pff, après, ça fait un ça, c'est pas un roman, ça, au début. C'est H.E.A.T. Chair de poule. H.E.A.T., c'est ça? Non. Non, Hit. Hit. Ah bah, je vois. Hit, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Non, moi je voyais Hit, le. Oui, ah, non, c'est pas ce qu'il y a. Ouais, moi j'aurais dit un roman. C'est un roman, il me semble, non? À la base. Hit, oui, bon film, faut le voir. Fait par le même mec qui a fait La Tour Sombre, Le Fléau, les machins trucs, je sais plus quoi, avec l'avion qui passe dans un autre espace-temps. Ouais, c'est Viking. Qui a fait. C'est Stéphane King. Stéphane Roy. Son petit nom. Oui, le roi Stéphane. Je suis trop. Mais oui, c'est juste. La tour sombre. De toute façon, elle a dit la tour sombre. Bah, Stephen King. Ça, je sais. Je savais que ça, c'était du Stephen King. Voilà. Je suis trop. Hellboy. C'est simple, monsieur. C'est un album de. C'est un comics. Bon, voilà. Parce qu'on peut dire que c'est du graphique. Ouais, c'est du graphique. Hein. Mais c'est un truc de. J'ai plus le nom de. Mac Mignola. Oui. Voilà, respectons-nous. Ah. Bon, on va terminer sur. Hellboy. C'est qu'elle a fait une fille qui picole. Hellboy. On va terminer du coup sur ça. Super Mario Bros. Un dessin animé. Un jeu vidéo. Idéal. Alors, est-ce que tu veux que je nique le respect à son symbole le plus niquant? Il y a une musique de Joe Satriani dedans. Ouf. Et c'est Speed of Light. Et cette musique. Mais non, ce sera Sobarius. Mais tu dis de la merde. 1993, Time Machine. Nique le game. Nique le game. Et c'est la scène où Mario est sur une espèce de tapis. Pas sur Luigi. Non, c'est pas la scène où Mario est sur Luigi. Ils sont sur une espèce de tapis, ils descendent dans une espèce de tube, c'est dégueulasse. Avec cette musique, je sais pas pourquoi je joue ça très bien fini là-dedans. Mais bon. De temps en temps, il fallait saluer sa réputation. C'est. Voilà. Des trucs comme ça. Ouais. J'espère qu'il a gagné plein d'argent avec ça. Au moins. Et donc, du coup, mais j'aurais pu vous parler. Ah non, 95, il est là, je crois. De Far Cry, de Hugo Ball, de Postal, de Postanal. Postanal, ça c'est quand t'es fini. Postal, pas Portal. Les Postal, deux. C'est un jeu vidéo aussi. Postal et Portal, de ah, oui, Last Dust, de Watch Dog. Wesh Dog. Warcraft. Warcraft. De GTA 2, The Movie. Warcraft 3. Pardon. Je trouve des trucs. Un peu lambda. Y a, mais... Ah si. Le meilleur quand même pour la fin, Tetris le film. Ah mais oui, mais c'est pas sorti ça, non? Si, je crois qu'il est sorti. Il est sorti cette année, non? Mais il va l'infernal. Il va l'infernal. La date c'est 2016. Ah oui. Ouais, je crois qu'il est déjà sorti. Ah bon? Ouais, putain, je pensais que c'était sorti l'année prochaine. Dans l'anonymat le plus total. L'anonymanal. Ah bah y'a Fifi Balas. Ouais, elle est là. Elle est là. Wow. Vite, je vais faire caca. Ah bah attends, faut qu'il finisse. Vas-y d'abord parce que. Vaut mieux, ouais. Parce que je vais pourrir la céramique. Faut que je me suis faire pipi avant. Je me retiendrai, vas-y. Vaut mieux. Du coup, sur ces bonnes paroles. L'administrateur sonne les trois coups qui citent. Nous allons clôturer ce podcast. Et cette session. En vous souhaitant. Cette session également. En vous souhaitant un bon rétablissement si vous avez picolé autant que nous. Le Milou, si tu nous écoutes. Hein, Flo. Big up, Flo. Mimi. Merci de nous avoir écouté en live pendant tout ce temps. À tous nos auditeurs. Ouais, et désolé de nous avoir suivi de partir. Vous avez vraiment rien d'autre à foutre. Ouais, c'est déjà la prochaine fois, le son sera chiant, meilleur. Mais alors on vous. La prochaine fois, ce sera mieux. C'est qu'à au revoir. Et donc on va se quitter, retrouvez-nous bien sûr sur Twitter @azertof, @gandalf81, @asto81, et plus précisément @wewish31 et putain on va pas y arriver et surtout principalement apéro original. Demain on met tout en forme, apéro original avec un voilà. Allô Central, on vous a tout piqué. Allô Central, Et on va se quitter sur une petite musique après le jingle. Ah oui, putain, j'allais danser. Putain, tu suis toi? En ce temps-là, Jésus dit à Matthieu: descend du train et gonfle les pneus. Et maintenant, chantons. Et du coup, c'est quoi comme musique? Eh bien, je reste sur ma thématique jeux vidéo depuis le début. Jeux vidéo. Donc, je vous propose le morceau Undertale. Attends. Sur la BO. Sur la BDO. La BO. Sur Dedo. Comment ça? Attends, je comprends plus. Du jeu vidéo. Undertale. Salut.